parce que j'allais finir mes études. Et puis, à l'époque, il y avait le dispositif emploi jeune. Donc, j'ai pris toutes les informations que je pouvais avoir. Je suis allé voir le président du club. Je lui ai dit, bah voilà, moi, j'aimerais travailler à temps plein pour le club. Voici les informations. Voici ce que je pourrais faire. J'y vais juste en me disant, ben, faut que je m'adapte et faut que je sois le meilleur pour les coups, que je montre que je sois le meilleur pour que les gens aient envie de me garder. Pour moi, dès que tu sors de la frontière, de la France et que tu vas dans n'importe quel pays, et que tu n'es pas dans un environnement touristique, tu deviens une personne qui prend du travail à une personne locale. Quand je pars à l'étranger, bah, je suis personne, entre guillemets, dans le monde du foot. Donc, je suis conscient que ça va passer par un temps où il va falloir accepter d'avoir peut-être moins de responsabilités. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on veut rajouter un élément au programme, qu'on veut mettre certaines choses dans notre modèle de jeu, c'est est-ce que ça va bénéficier aux joueurs et si oui, comment? Et si la réponse est non, bah, on ne le fait pas parce que le centre, c'est le joueur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. En fonction de votre lieu d'habitation sur notre très chère planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, mes salutations devraient convenir à tous les francophones et ceux qui éventuellement souhaiteraient apprendre le français grâce à ce podcast. Bienvenue sur le 20e épisode de Footballagogie où je pars à la rencontre cette fois-ci de Monsieur Nicolas Possetti. Je ne vous le présenterai pas, il le fera beaucoup mieux que moi. Néanmoins, je peux tout de même vous dire que durant cet épisode, on va apprendre à découvrir comment il est possible de créer son emploi, et cela même dans le football, comment s'expatrier au Canada et en Australie à s'adapter dans un univers très inconfortable, et comment vivre une aventure professionnelle à Singapour, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Asie. Il ne m'en fallait pas plus pour me régaler. J'espère que ça sera aussi intéressant pour vous que ça a pu l'être pour moi. Je vous souhaite une excellente écoute. Allô? Salut Thomas. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Je te remercie. Je commence à avoir mes petites habitudes et disons que j'ai mes petits trucs à mettre en place pour qu'il n'y ait pas de problème, la batterie, etc. etc. Aucun souci. Juste rassure-moi, c'est pas filmé. Hein. Pas filmé, non. Ma coupe de cheveux est vraiment pas bonne. j'ai eu écho 2-3 fois de personnes qui m'ont dit oh, peut-être que ça pourrait améliorer le format et tout, mais je suis pas très à l'aise avec la vidéo et je suis content quand les autres personnes le sont aussi. Donc moi ça me va très bien comme ça. Tu joues à FM? Ouais, je suis en train de jouer à Football Manager, ça fait un moment que j'avais pas joué. D'accord, ok. Je voyais ça, je regardais, je commençais à taper un peu là, à chercher, puis je vois que ça joue à FM. Je dis ah d'accord, ok. Comment tu sais ça par rapport à Discord? Comment? Comment tu peux savoir ça? Ben, moi je connais pas trop bien Discord, mais je voyais sous ton nom, enfin en tout cas sous ton pseudo, être en train de jouer à FM Football Manager 2020. Ah ouais. Comment ils font pour choper ça sur mon ordi? C'est dangereux en fait tous ces programmes là. Alors là, tu parles à quelqu'un qui se préoccupe vraiment du numérique et du danger que ça peut créer et comment ils font des liens en effet. Bah ouais, j'étais en train de jouer là. Je me faisais chier hier, je commençais une partie avec Barcelone. D'accord. C'est marrant, je comptais pas du tout en parler, mais du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être lui poser la question, parce que je suis sûr qu'il va avoir quelque chose à me répondre à ce niveau-là. Tu penses que Football Manager, dans ta fonction ou dans ta posture professionnelle, ça peut aider? Pour moi, pas du tout. Là, c'est juste un passe-temps. D'accord. Un passe-temps pour mon plaisir. Là, c'est juste un passe-temps. D'accord, ok. Peut-être à haut niveau, j'en sais rien, pour le recrutement, j'en sais rien. Pour moi, non, c'est juste un passe-temps, puis m'amuser. Puis... D'accord. Parce que j'avais une discussion avec Maxime Chalier, que tu dois probablement connaître, avec qui justement il me disait que bah, actuellement il trouvait que sa base de données personnelle en tant que scout, en tant qu'analyse vidéo, pardon, elle était à améliorer. Et il dit bah, quoi de mieux que d'aller jouer un petit peu FM pour bah, dénicher les pépites comme on aurait pu faire il fut un temps dans PES, dans FIFA, dans l'entraîneur ou dans FM Football Manager il fut un temps. Ouais, non, peut-être que bah, si tu as un niveau professionnel, je dis pas là, peut-être ça peut t'orienter et puis éventuellement aller vérifier ensuite là. Mais moi, non, moi c'est plus par passion. Je crois que ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que je joue au jeu là, donc c'est vraiment pas par passion plus récent. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vas bien? Oui, en pleine forme. D'accord. Tout va bien, et toi? Très bien. J'appréhende un petit peu parce que. Pour la deux ou troisième fois, je vais encore de traverser en diagonale ton CV et ton site. Et je me dis que bon, il va falloir condenser par expérience, il va falloir poser les bonnes questions. Et je dis qu'il y a tellement de contenu que comment poser les bonnes questions qui vont te permettre à toi de partager ce que tu souhaites partager et puis ce qui te semble peut-être le plus intéressant à partager. Non, moi je t'écoute là, je sais pas exactement, pour être honnête, j'ai pas eu le temps d'écouter d'anciens podcasts que tu avais pu faire. Moi, tout ce que je pourrais partager, ça sera avec plaisir. Je te remercie. Ainsi, je te souhaite bienvenue sur le podcast Footballagogie. J'ai pour habitude de ne pas trop savoir comment vont commencer les épisodes. Néanmoins, il y a deux petites choses que j'aime bien demander avant de commencer, et ça je pourrais le couper au montage, il n'y a pas de problème. C'est si jamais tu veux faire une coupure, n'hésite pas à un moment donné. Moi je ferai la coupure au montage, que ce soit pour une pause ou je sais pas, il y a quelqu'un qui vient t'interrompre ou tu as une fin ou quelque chose, n'hésite pas. Autre chose, si tes éléments, tes outils numériques sont bah, sous batterie, si tu as de la batterie. Ouais, je suis chargé sur mon laptop là, et puis là, je suis plugué sur la batterie, sur l'électricité, donc non, j'ai pas de problème de ce côté-là. Parfait. Et la dernière question, c'est bah, combien de temps tu as devant toi? J'ai rien à faire aujourd'hui. Peut-être un Arsenal Manchester City à 17h, enfin, pour vous, ça serait 9h30, 11h peut-être? Non, ça me passionne pas regarder des matchs. Très bien. Non, puis, je sais même pas s'il passe à la télé ici. D'accord. Non, je crois que je l'ai pas. J'ai pas acheté d'Azone, j'ai pas tout ça là. Non, je pense pas que je vais le regarder. Je regarderai le résultat, mais je pense pas qu'on. Parce que tu regardes beaucoup moins de matchs depuis que t'es en Amérique du Nord, ou parce que c'est pas du tout des équipes sur lesquelles tu portes ton attention? Non, je pense qu'on a déjà beaucoup de foot dans la semaine, donc j'essaie plutôt de le passer en famille plutôt que de regarder encore des matchs ou d'imposer à ma famille du foot. Je pense qu'il y en a assez dans la semaine. Voilà. Et puis, c'est pas facile ici de regarder tout le temps des matchs aussi. Donc, non, j'ai pris l'habitude comme ça. Là, puis, pour l'instant, ça me manque pas. Là. D'accord. Est-ce que, comme moi, tu aurais peut-être des fois tendance à regarder un peu de NBA grâce au fuseau horaire beaucoup plus favorable en Amérique du Nord? Ah, je regarde si c'est le soir, là. Je peux regarder un moment d'un match de hockey, surtout si c'est par exemple Montréal qui joue, essentiellement pour me tenir un peu informé par rapport à tous les joueurs puis les coachs qui regardent ça du club, là. Donc juste pour être à la page si jamais ils en parlent. Et puis ouais, de temps en temps aussi des bouts de match de NBA, surtout si c'est des équipes qui jouent un basket collectif et pas basé que sur du 1 contre 1. D'accord, j'ai eu cette influence et je me demande si des fois en Amérique du Nord il peut y avoir cette influence là. Très bien. Ouais, c'est intéressant de regarder le hockey, j'ai du mal à comprendre toutes les règles, mais au niveau du basket, c'est intéressant de voir comment le ballon bouge, comment ils utilisent l'espace, comment ils arrivent à mettre des joueurs favorables en situation de 1 contre 1, comment ils font changer les défenseurs par rapport aux porteurs de balle pour avoir un contre 1 favorable. C'est intéressant de regarder ça. Je suis complètement d'accord avec toi. T'arrives à faire des liens en tout cas sur des situations au basket pour éventuellement peut-être parfois t'inspirer au foot. Bah, des liens, non, mais je trouve ça, c'est pas forcément ce que. Mais par contre, je trouve ça intéressant aussi comment ça défend, notamment quand c'est en zone, comment ils utilisent le corner pour tirer à 3 points qui est moins loin, pour libérer de l'espace à l'intérieur. Donc, non, tu peux faire le parallèle au foot si tu as des supériorités numériques à l'intérieur, puis des joueurs à l'extérieur, par exemple, pour centrer, ou qui sont là pour fixer des joueurs. Donc, non, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Complètement d'accord avec toi. Avec le hockey, j'ai la même difficulté concernant les règles. J'ai du mal aussi à faire des liens parfois avec le foot, mais il y en a. Surtout sur les attaques rapides, les supériorités numériques, il y a des choses où la gestion des 1 contre 1, des 2 contre 1, etc. Au basket, j'ai vu beaucoup plus de similitudes, des points d'inspiration, moi, comme tu viens de le signaler, en effet. Puis ok, quand tu regardes à la télé, il faut voir la puck, là. Moi, quand il tire, ça va trop vite, là, je la vois pas. C'est compliqué de savoir quand il marque un but ou pas, là. Complètement d'accord. Du coup, je passerai des heures à discuter de foot, de sport, etc. Mais je me dis que je vais commencer par le commencement, même si par l'expérience, je me souviens que j'ai des petites anecdotes ou parfois j'ai du mal un peu à commencer. Nicolas, je te remercie en tout cas de te rendre disponible afin de répondre à mes questions et éventuellement des questions que d'autres personnes se poseraient via le podcast que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an. Et la question par laquelle j'aime bien commencer, histoire qu'on puisse avoir quelques traits de ta personnalité, de ton parcours, c'est tu as totale liberté de pouvoir répondre à cette question. Nicolas, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter? Alors Nicolas Possetti, j'ai 42 ans, je suis issu de la région lyonnaise, je suis marié. Au niveau du foot, j'ai le diplôme UEFA A et aussi le diplôme d'Asie en Asie A, d'entraîneur. J'ai en anglais on dit bachelor degree à l'université Lyon 1. Donc j'ai travaillé pour un club, donc Tassin, pendant 7 ans, hein, dans la banlieue lyonnaise. Un peu aussi avec le district du Rhône sur des opérations de détection et de formation d'entraîneur. Ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc j'ai fait différents pays comme l'Australie, le Canada, Singapour. Et actuellement, je suis au Canada, voilà, pour une rapide présentation. Merci beaucoup. À chaque fois, et là, il y a le voyageur, il y a l'entraîneur, il y a la personne qui s'est formée. Il y a énormément de contenu. Je pense que ceux qui écoutent doivent se dire, comme j'ai l'habitude de me dire, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, comment ça va, ce que ça va donner, mais en tout cas, merci beaucoup. Là, on reviendra évidemment, parce que je me suis mis des petites notes. Et la question que j'aime bien pour pouvoir enchaîner, et moi ça me permet un peu de savoir un peu comment tout ça a commencé chez toi, même si j'ai bien compris que tu venais, si je ne me trompe pas, de la région lyonnaise. Quels seraient selon toi tes premiers souvenirs d'entraîneur? Un peu d'après toi, où est-ce que cette histoire, ton aventure, elle a commencé? Ouais, elle a commencé tout simplement quand je suis rentré à l'UFR STAPS à Lyon. Dans le cadre de le DUG première année, on devait faire un stage d'entraîneur dans un milieu sportif. Puis, moi, j'ai choisi tout simplement le club où je jouais, donc Tassin, et j'ai commencé en 1998, si je ne me trompe pas, à entraîner lorsque. L'UFR STAPS demandait un stage. Voilà, donc j'ai commencé en 98. À l'époque, j'entraînais des Benjamins. Je crois que c'était l'équipe 4. Voilà, j'ai fait mes 2 années de stage au sein du club. Et puis après, je continuais au sein du club. J'ai créé mon propre emploi jeune au sein du club. Parce que j'allais finir mes études. Et puis à l'époque, il y avait le dispositif emploi jeune. Donc, j'ai pris toutes les informations que je pouvais avoir. Je suis allé voir le président du club. Je lui ai dit, moi, j'aimerais travailler à temps plein pour le club. Voici les informations. Voici ce que je pourrais faire. Voilà, j'avais monté une présentation. Puis, J'ai commencé à travailler à partir de septembre 2001 à plein temps au club. D'accord. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant pour commencer. Je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai survolé ton CV, quand bah, ça fait quelques années que je suis ton parcours après notre rencontre, même si elle a été très éphémère au Canada, j'ai eu assez rapidement le sentiment de quelqu'un qui prend les devants. C'est en tout cas l'image que moi j'ai perçue de quelqu'un qui n'arrête pas de se former et de ne pas hésiter à tenter des choses. Et j'ai deux premières questions qui me viennent à l'esprit avec ce que tu m'as partagé. Je te pose la question, quels sont les premiers souvenirs? Et toi, spontanément, tu me parles d'une première formation. J'ai comme l'impression que le fait de te former, d'être dans un environnement de progression, d'aller chercher du contenu, c'est très important pour moi. Alors, je ne sais pas si je me trompe et je ne sais pas comment tu vas rebondir dessus, mais qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que ça, tu as raison, je pense que c'est un mode de fonctionnement chez moi depuis que j'ai, il y a 20 ans que j'ai commencé. C'est-à-dire que ah, je me contente très très peu de ce que j'ai, souvent. J'ai toujours l'envie d'aller chercher quelque chose de plus. Voilà, donc par exemple, à Tassin, j'ai commencé avec du jeu réduit. Après, j'ai fait les U18. Et puis après, je suis allé sur des seniors. Donc voilà, à chaque fois, c'était un besoin d'aller voir autre chose, d'apprendre, de me confronter à un nouvel environnement. Quant à Tassin, j'ai eu la sensation que j'avais fait un petit peu le tour du propriétaire, entre guillemets. Bah, j'ai décidé de partir à l'étranger pour aller voir autre chose, pour voir comment ça se passait, pour continuer à apprendre, découvrir une nouvelle forme de foot ou de soccer. Ça dépend dans quel pays tu te retrouves. Voilà, dans un nouvel environnement, nouvelle langue, nouvelle organisation, aussi de m'ouvrir l'esprit, parce que je trouve que quand on est dans un pays quel qu'il soit, on est focalisé sur la méthode d'entraînement voulue par la DTN, ce qui est très bien, mais il y a aussi d'autres façons de faire dans le monde qui peuvent aussi t'apprendre des nouvelles choses, et puis t'ouvrir à des perspectives de contenu d'entraînement différents et complémentaires. C'est ce que j'ai toujours cherché à faire. Et à chaque fois que j'ai changé de club, de pays, c'était pour cette raison-là. C'était pour essayer d'aller voir autre chose, de passer à un niveau supérieur et d'apprendre. Lorsque tu parles de Tassin, on parle d'un club en région lyonnaise, c'est ça un peu où tu as grandi? Ouais, région lyonnaise, bon, on avait entre 400 et 550 licenciés. C'était un club qui se retrouvait de niveau district et puis senior avec un passé en ligue. Un club amateur comme il y en a des centaines en France, des milliers dans le monde, à mon avis. Donc voilà, donc c'était très, très formateur pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des bénévoles extraordinaires. Et puis après, à un moment donné, c'était temps pour moi aussi d'aller continuer ma propre histoire. Tu l'as un peu abordé et j'ai quand même envie de revenir un peu dessus parce que surtout dans le contexte actuel où on cherche bah maintenant c'est un peu dans le domaine dans lequel je travaille, mais on cherche des leviers sur lesquels on peut réinsérer des jeunes, insérer des jeunes socialement, professionnellement, par le biais du sport, c'est un levier comme il y en a beaucoup d'autres. Tu mentionnes le fait que il y a les emplois jeunes, tu en as conscience à un moment donné, et tu es force de proposition pour aller voir ton club. Tu as noté les informations un peu dont le club avait besoin et toi tu avais besoin pour, on va dire, te rendre, pas indispensable, mais te rendre utile pour le club et pour que les deux parties aient un intérêt. Je repose un peu la question, si jamais, alors je le dis ça, moi je pense que j'aurais aimé avoir cette démarche, je ne me souviens pas l'avoir eue, pourtant j'ai profité du même processus, mais on m'a livré ça. J'ai pas eu cette initiative d'aller vers justement comme toi. On me l'a proposé. Si la démarche est peut-être différente à l'heure actuelle, mais les emplois jeunes existent encore et il y a des dispositifs qui sont similaires, peut-être avec d'autres conditions. Mais si jamais il y avait des jeunes de, je sais pas, 17, entre 17 et 25 ans qui avaient ce souhait. Comment tu t'y es pris pour justement montrer au club que c'est évident qu'il y a un intérêt pour toi en tant qu'éducateur et pour le club? Déjà, je pense que c'est une démarche qui est importante aux yeux du club, parce que ça démontre déjà que tu es actif et que tu n'es pas passif, entre guillemets. Tu n'attends pas que les choses tombent toutes seules, parce que dans ce cas-là, elles tombent rarement. Donc, l'idée, c'était déjà de montrer au club que, oui, en tant qu'éducateur, j'étais déjà pas mal investi dans le club. Et bah, après, quand moi, je m'y suis pris, c'est des recherches. Je suis allé sur les sites des gouvernements, chercher tout ce qui était les durées, les aides, les missions, voilà, combien ça allait coûter réellement au club par rapport, par exemple, à ce que coûtait un entraîneur bénévole. Voilà, donc comment tu pouvais, à travers une personne multitâche et le coût que ça engendrait au club, en fait, que ça coûte, que ça soit aucune dépense supplémentaire par rapport à l'existant. Donc ça, déjà, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était aussi lister un peu tous les manques au club que j'avais remarqué. Et puis leur dire, bah voilà, par rapport à ce manque-là, voilà ce que pourrait apporter la personne, voilà ce que pourrait, en termes d'image, en termes d'encadrement, en termes de soutien des entraîneurs. Donc j'avais listé toute une sorte de tâches que le club n'arrivait pas à faire et qu'une personne à temps plein au club pouvait faire. Et après aussi, j'avais fait une sorte de budget, même si ce n'est pas trop mon domaine, justement pour montrer que le club n'allait pas couler financièrement, mais qu'au contraire, il y avait plein de choses que ça pouvait apporter en termes de stages vacances, en termes de plein de choses. Donc, voilà, j'ai récupéré plein de données. Je me suis servi de mes cours à l'UFRSAP aussi, en termes de marketing, en termes de gestion des organisations sportives pour monter mon dossier. J'écoute religieusement, je prends des notes évidemment. Je trouve ça, c'est vraiment une question que je ne m'attendais pas à poser. Je repose la question un peu différemment, peut-être que ça va faire émerger chez toi d'autres réponses. Pardon. D'où tu tires, d'après toi, et moi je n'ai pas du tout la réponse, mais je serais curieux de savoir, d'où tu tires un peu cette attitude à être force de proposition, justement à être actif plutôt que passif? Ah, je pense que ça devient. Bah, déjà, je pense que c'est une forme d'éducation à la maison où, très jeune, j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de choses que je voulais, entre guillemets. Hein. J'avais des parents qui étaient très ouverts et donc je restais dans un certain cadre. Je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Et comme je n'ai jamais dépassé le cadre, j'ai eu la chance de vivre de multiples expériences. Ah, donc j'ai eu aussi la chance quand j'ai joué 2 ans à l'Académie de Lyon de devoir à 11 ans prendre le train tous les matins pendant 30 minutes, le soir aussi, donc d'organiser ma vie en fait tout seul. Quand tu es un enfant de 11-12 ans, tu passes de ta campagne dans une grande ville, c'est pas forcément évident. Donc tu dois t'organiser pour plein de choses, pour toujours être à l'heure, pour les trajets de bus, train, à pied. Voilà, donc j'ai très très tôt une autonomie et puis l'habitude de me débrouiller tout seul. Donc je pense que ça joue aussi. J'ai eu aussi la chance de vivre des expériences aux États-Unis 2 fois 3 semaines dans des pays différents par des échanges scolaires où je me suis retrouvé également un peu tout seul dans un certain milieu. C'était à moi de trouver des réponses face à mes difficultés. Donc voilà, donc je pense que j'ai eu l'habitude de résoudre des problèmes souvent tout seul, de ne pas m'apitoyer sur mon sort et de toujours chercher des solutions. Parce que quand tu es tout seul, bah, tu n'as pas le choix de te débrouiller pour avancer. Le fait de jouer aussi dans une académie professionnelle, d'un club pro aussi, je pense qu'au niveau mental, ça t'aide à avoir une certaine envie de réussir. Même si pour moi, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient largement plus forts que moi. Mais au quotidien, tu es obligé de te bouger si tu veux réussir et pas te laisser dépasser par les autres. Donc, ouais, je pense que c'est un tout d'environnement au niveau de l'adolescence et de la jeunesse. Et puis, une structure familiale aussi qui fait que je me suis jamais laissé faire, je me suis jamais laissé aller à vivre ma vie tranquillement. Quoi. Donc, ça, par contre, je suis pas à l'opposé. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans un groupe. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui écoute, et je suis pas un leader grande gueule si tu veux dans un groupe, je suis plus dans l'observation, puis dans l'analyse pour ensuite faire qui est le meilleur pour moi et avancer, quoi. Je regrette pas d'avoir posé la question. C'est, ça donne, je sais pas si en comme ça en 2 ou 3 minutes on a toutes les réponses parce que ça fait un petit comme flashback, mais en tout cas ça m'en donne, ouais, ça me donne des indications, comme tu dis, le parcours en étant plus jeune, et je vois qu'il y a les prémices d'un premier voyage. C'est peut-être comme ça que je vais amener la prochaine question. J'allais justement dire, bah, c'est un peu comme ça que tu t'es forgé. T'aurais pu abandonner, j'imagine, jeune. Tu es probablement mieux placé que moi pour parler par rapport à justement ces jeunes qui sont amenés à s'expatrier un peu de leur ville de départ pour aller se former un peu plus loin. Et bah, il y a quand même un taux d'abandon, il y a un taux, parce que c'est pas évident pour tout le monde. A priori, au vu de ton parcours, tu t'es adapté, tu t'es probablement forgé. Et est-ce que justement les voyages aux États-Unis, est-ce que ça a été ça qui t'a donné le goût d'aller voir justement quand tu avais fait un peu le tour en France, de vouloir aller voir comment ça se passe ailleurs? Ouais, totalement. Je pense que quand j'avais 15, 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus exactement l'âge où je suis parti. Je pense que pour moi, ça a été aussi des découvertes, des modes de vie totalement différents, culture totalement différente. Moi, j'adore le sport depuis tout jeune, quel qu'il soit. Et ouais, donc de me retrouver dans des environnements aux États-Unis, de voir des. J'ai eu la chance parce que. Ah, je remercie encore une fois mes parents, mais j'ai eu la chance de vivre des expériences extraordinaires à l'étranger en étant ado. Et ça m'a donné envie de dire, OK, si c'est ça à l'étranger, bah, j'ai découvert les États-Unis. Bah, j'ai envie de découvrir autre chose. Et c'est aussi, je pense, que ce qui m'a donné, paradoxalement, c'est pas ce qui m'a donné l'envie d'apprendre l'anglais quand on était au lycée. Parce que, je n'ai pas été un très bon étudiant au niveau de l'anglais, mais donc ça, c'est sûrement ce qui m'a donné envie d'aller, certaine ouverture d'esprit aussi, puis une certaine aussi vision de, oui, dans le sport, il y a la France, mais aussi d'autres pays qui font d'autres choses et que c'est tout aussi intéressant, donc j'avais envie de découvrir tout ça. Avant de cracher, j'étais en France, hein, mais j'avais juste envie de voir des choses différentes à un moment donné. Du coup, je pose la question pour qu'elle soit plus claire pour moi dans un premier temps. À quel moment tu te dis, OK, j'ai eu mon parcours de joueur, je me suis formé en tant qu'étudiant, en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. J'utilise différents termes parce que chacun a sa manière d'appréhender un peu la posture. À quel moment tu te dis, bah, je pense que j'ai vu, sans avoir fait tout le tour, mais j'ai vu ce que je voulais voir en France. Et en fait, je suis surtout dans le Suède, je me sens armé. D'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs en tant qu'entraîneur. Comment ça se décide dans ton parcours? Je sais que ça fait loin, mais de ce que tu te souviens, comment ça se décide, pour quelles raisons, et par où est-ce que tu commences, et enfin comment ça se passe un peu les débuts? Ouais, je crois que c'était en 2006 ou 2007, je sais plus. J'ai eu la sensation qu'en termes d'évolution, en termes de diplôme d'entraîneur, en termes de niveau de jeu, j'allais être rapidement, on va dire, niveau de jeu, je parle d'entraîner, hein, pas de Oui. jouer. J'ai eu la sensation que j'allais rapidement être bloqué et que ça allait être assez fermé pour des personnes avec mon parcours de joueur et d'entraîneur, ou alors que ça prendrait des années et des années sans avoir comment dirais-je, aucune assurance de réussir à aller un peu plus haut. Je comprends. Donc, ensuite, bah, écoute, j'ai commencé à regarder, comme mon anglais n'était pas bon, j'ai commencé à regarder au Canada, parce que c'était tout simplement francophone aussi. Donc, je me suis baladé sur des sites de recrutement de coach. Je crois que c'était 2007. J'ai commencé à envoyer mes CV. Moi, ça n'a pas forcément abouti. Puis après, bah, écoute, je cherchais toujours à partir. Le club le savait. Et puis, voilà, dans un de mes joueurs, il y avait un de mes joueurs senior qui avait joué à l'étranger. et qui avait des projets aussi à l'étranger dans le foot. Donc, on a commencé à échanger sur le sujet, à me présenter un petit peu ses idées. Et j'avais aussi parallèlement à ça un petit peu un ras-le-bol au niveau du club, parce que c'est au bout de 7 ans, c'est pas toujours évident de continuer à trouver une motivation et de l'énergie. Donc, je pense que c'est cet ensemble-là qui fait que j'ai décidé, en janvier 2008, d'annoncer au club que j'arrêterai au mois de juin pour qu'il ait 6 mois pour pouvoir s'organiser, que je ne le prenne pas au dépourvu, parce que ça reste quand même un club que j'aime. Sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, donc je voulais qu'ils s'organisent pour continuer à bien vivre et à progresser. Donc j'ai annoncé 6 mois avant, et puis j'avais 6 mois aussi pour trouver quelque chose, chercher, et voilà. Alors, merci Nicolas. Du coup, comment tu décolles de la France? Comment tu choisis ta destination et ça se passe comment le début? C'est le joueur en question qui à un moment donné me dit, bah écoute, voilà, on va. Quand j'étais joueur, j'ai joué en Australie, j'ai encore des contacts là-bas, j'ai des projets pour construire certaines choses. Est-ce que ça t'intéresse de partir? Voilà, donc au départ, je savais que c'était sans salaire, mais avec un objectif de créer quelque chose. Puis si ça se confirmait, ben j'aurais été le responsable. Donc je suis parti, je crois que c'était 20 ou 21 juin 2008, et puis pour l'Australie, un peu complètement à l'aventure, avec savoir qu'il y avait un projet à faire, mais je ne savais pas exactement la nature, je ne connaissais pas le pays. Donc, j'ai pris l'avion, puis je suis parti, puis je suis arrivé à Brisbane. Et puis après, c'est là que ça a commencé, pendant 2 mois, d'essayer de monter le projet, de découvrir un pays avec des installations sportives extraordinaires. C'est fabuleux, les installations sportives qu'ils ont. Tu comprends pourquoi, je crois que c'est une 20aine de millions d'habitants, tu comprends pourquoi ils ont autant de résultats sportifs dans tous les sports au haut niveau, que ce soit les JO ou dans les sports co, c'est vraiment extraordinaire. À Sydney? Partout en fait. D'accord. C'est vraiment des installations dans chaque grande ville, dans chaque région, c'est vraiment magnifique. Une population ultra sportive. Tu te lèves à 5h30 du matin, il y en a qui sont en train de courir. Tu vas dans des parcs à midi, ils sont en train de jouer au rugby ou en train de faire du sport. Le soir aussi, c'est vraiment génial pour le sport. Voilà, après, en concernant, malheureusement, les projets n'ont pas pu aboutir pour différents points. Mais du coup, j'en ai profité pour apprendre l'anglais. J'en ai profité pour me prendre 6 mois de vacances et de coupures qui m'ont fait du bien au niveau psychologique. Et j'avais, au bout de 6 mois, l'inactivité me pesait, donc j'avais envie de retrouver quelque chose ailleurs dans le monde, et puis c'est passé. Je reviens là-dessus parce que ça m'a marqué un peu, juste la petite anecdote. Comme tu l'as signalé au début de l'épisode, tu parles pas anglais, tu arrives en Australie. Je sais pas comment tu vis ça, comment ça se passe. tu fais au départ, bon, c'est un peu trop. Pas assez humble de ma part, parce que je pensais m'en sortir facilement. Avec le peu d'anglais que j'avais, puis en fait, pas du tout. Ouais, juste, j'arrive à l'aéroport pour trouver le bon bus pour m'amener à ma ville de destination qui était à 2 heures de l'aéroport. J'ai mis 1 heure avant de trouver le bus. J'arrivais pas, ni je me faisais comprendre, ni je comprenais ce qu'on me disait. J'ai fait comme un nombre incalculable d'étrangers en Australie tu vas dans une école, tu apprends l'anglais. D'accord. C'était génial. J'étais avec des Coréens, des Japonais, des Brésiliens, des Russes. Enfin voilà, on se retrouvait dans une classe, on était peut-être une dizaine de nationalités. C'était intéressant d'apprendre l'anglais dans ce cadre-là. Puis écoute, après, c'est sûr que mentalement, c'est difficile. Tu te retrouves tout seul. Tu passes un peu dans le club. J'étais un peu le centre du monde du club, le centre d'intention en étant le directeur un peu de tout. Donc, ça me revenait tout vers moi. Puis là, tu n'étais plus personne et tu pouvais communiquer avec personne. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, ça a été compliqué. D'accord. Donc finalement, l'Australie, l'expérience, tu apprends l'anglais, l'expérience dure 6 mois, tu signales que tu as le souhait de vouloir vraiment entraîner, de vouloir te remettre dans l'activité. C'est là que, là je ne le sais pas exactement, mais tu rentres en France ou tu choisis directement une autre destination? Non, là, par un ami, là, Patrick Vallée, avec qui j'ai travaillé ensuite, il me signale qu'il y a un ami à lui qui travaille au Québec et qu'il cherche un coach, il cherche quelqu'un à temps plein. Voilà, donc je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse. J'avais déjà postulé pour y aller, mais je n'avais jamais été retenu. Donc là, je pense que c'était plus facile par l'intermédiaire d'une personne que l'on connaissait. Oui. Wow, je sais même plus, je crois que j'ai passé un entretien, s'il a duré 30 minutes, puis après je suis rentré en France 2 semaines et j'ai repris l'avion au mois de janvier. Je suis rentré à Noël pour passer Noël avec mes parents, je crois, puis après je suis parti directement au Québec, janvier 2009. Donc tu passais de plus 35 degrés à moins 20, comme tu connais bien, au mois de janvier. Donc ça faisait un gros écart de température. D'accord. De comme ça, un peu de but en blanc entre la première expérience en Australie où tu côtoies quand même le monde du foot, l'expérience où tu arrives au Canada. Qu'est-ce qui, dans des pays qui n'ont pas forcément la, il y a la culture sport au Canada très bien aussi, comme en Australie, mais c'est pas forcément le foot, le soccer qui est au centre, qui est la principale activité sportive. Comment tu appréhendes? Est-ce que c'est difficile de s'adapter? Est-ce qu'il y a des chocs au niveau de la pratique? Est-ce qu'il y a des chocs au niveau de comment dire du sport en lui-même, de l'activité? Je sais que ça date un petit peu, hein, mais comment ça Ouais, se passe au début? dans ma tête, je m'en rappelle très bien. Quand je suis arrivé, je me dis, un, que il n'y a pas grand-chose de pire qui peut m'arriver que ce que j'ai vécu en Australie. Parce que le Québec, ça parle français. Donc déjà, moi, je pourrais m'exprimer. Donc j'y vais, si tu veux, très, très relax et très calme. Parce que je pense que je me dis, je ne pourrais pas revivre le premier ou les 5-6 premières semaines d'Australie. Donc je vais en ayant confiance en moi. Et après, j'y vais avec l'ambition de me dire, ben voilà, j'ai 10 mois pour convaincre, donc il faut que je sois le meilleur possible chaque jour pour pouvoir convaincre la structure de me garder après les 10 mois et d'avoir une augmentation salariale, des meilleures tâches. Donc j'y vais pas en me disant ça va être différent. J'y vais juste en me disant, ben, il faut que je m'adapte et il faut donc que je sois le meilleur pour les coups, que je montre que je sois le meilleur pour que les gens aient envie de me garder, tout simplement. Parce que tu penses qu'en Australie, la langue a été le principal frein à éventuellement que l'aventure soit meilleure? Non, mais d'un point de vue personnel et épanouissement personnel, oui, au départ, c'est une D'accord. certitude. Après, sur le projet en lui-même, non, c'est beaucoup d'autres paramètres, mais on va dire que pour moi, c'était dans ton épanouissement personnel, c'était quand même difficile de ne pas pouvoir communiquer avec des gens. Alors que là, je savais qu'en allant au Québec, ça allait être français, même s'il y a. J'ai découvert des expressions différentes, un langage qui peut être différent par rapport à certains mots, mais ah, c'est facile de communiquer. Et tu dis, j'y suis allé vraiment avec l'idée de montrer que j'étais le meilleur. Je savais que j'avais pris mes 6 mois de vacances, qu'il fallait que je me bouge maintenant pour revenir dans le monde du foot. Et encore une fois, comme tu disais, peut-être c'est proactif, c'est juste, j'attends pas à la fin des 10 mois qu'on me dise oui ou non, c'est est-ce que je peux forcer les gens à me dire oui, quoi. Les 10 mois, c'était un contrat particulier à l'Amérique du Nord, ou c'était des conditions que vous avez mis ensemble en place? Non, j'étais dans une sorte de. Par rapport à mon âge, je crois que j'étais dans une sorte de PVT, D'accord. vacances-travail, et puis en fait, le club cherchait de janvier à septembre, qui correspondait à la préparation de la saison été, puis à la saison été. Donc, ouais, et que octobre, novembre, décembre, il y avait oublié tout, c'était même 9 mois. Et octobre, novembre, décembre, il y avait moins d'activités, donc, ouais, si je faisais pas l'affaire, ils pouvaient se débrouiller sans moi. Donc, voilà, c'était clair, très clair dès le départ. Hein, donc voilà, c'était à moi de prouver que je pouvais rester et que je pouvais me rendre indispensable à la structure. Finalement, tu passes maintenant avec le recul, je le sais, plusieurs années au Canada. Qu'est-ce qui t'a séduit finalement? Qu'est-ce qui t'a surpris peut-être aussi au niveau foot, mais qu'est-ce qui t'a séduit pour t'inciter à prolonger l'aventure au Canada? Après mon année 2009, je suis parti en Asie un an. Donc, c'était plus là pour parce que j'ai eu l'opportunité de vivre un rêve qui était d'être au quotidien en tant qu'adjoint pour une équipe professionnelle. Donc, c'était ce que je voulais vivre. Je voulais vivre cette expérience-là de travailler avec un groupe de haut niveau, préparer des matchs, puis avoir des objectifs de gagner des championnats, d'avoir des joueurs de haut niveau avec toi. Ça, c'est Moi, en Asie. semaine à Singapour, là, en 2010. Est-ce Donc après, que, j'ai excuse-moi, Nicolas. pardon? Ouais, excuse-moi. Du coup, là, j'ai pas réussi à recontextualiser. Tu es en Australie 2008, 6 mois, tu pars au Canada en 2009. Je reste un an tout 2009. D'accord. Après, j'ai eu une proposition pour aller en Asie sur une équipe pro 100% française à Singapour. Donc j'y vais. On gagne des titres, ça se passe bien avec le staff, avec Patrick Vallée, avec qui j'ai mon coaché, ça se passait très bien. Voilà, après, je suis en problème avec mon président, mais ça, c'est autre chose. Et puis ensuite, je suis revenu travailler un temps à Gatineau, là, au Québec, où j'étais, mais cette fois dans l'association régionale. Entre-temps, et je me suis fait plaisir pendant un certain moment. Mais après, j'ai trouvé plus, voilà, même si ça se passait super bien avec le directeur technique régional, j'y trouvais pas mon compte en termes d'épanouissement. J'avais envie d'avoir des responsabilités, de diriger moi-même des programmes, ce que je pouvais pas avoir. Voilà, à Singapour, on m'a reproposé à ce moment-là le président est parti, il a changé, puis on m'a proposé de prendre le directeur technique de l'académie du club. Mes ambitions, c'était ça. C'est maintenant d'essayer d'avoir un poste à responsabilité à l'étranger. Donc, je suis reparti. Je suis resté 6 ans. Et pour répondre à ta question, pourquoi être revenu au Canada? Parce que je pense que j'avais pas fait tout ce que j'avais envie de faire au Québec. J'avais comme ambition au départ de devenir directeur technique d'un club au Québec et de m'imposer, puis de voir si mes idées pouvaient fonctionner par rapport à tout ce qui se faisait au Québec et que je trouvais plus ou moins bien. Donc j'avais juste envie de me montrer que je pouvais être bon dans ce rôle-là, voilà, mettre des choses en place, avoir des résultats. Et c'est pour ça que je suis revenu 5 ans après. Merci. Du coup, c'était en très rapide, on a survolé l'Australie, le Canada, le Québec, Singapour. Du coup, je suis ravi. On va pouvoir. Et la France, évidemment, là où tu es parti. Là, comme ça, la question, évidemment, elle est large et on pourrait en parler des heures, j'imagine. Après avoir pu intervenir sur ces différents pays, mais plus que ça, sur ces différents territoires, qu'est-ce que tu observes? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu as observé dans la façon, éventuellement, peut-être pour être plus précis dans ma question, qu'est-ce que tu as observé en tant qu'entraîneur et qu'est-ce que tu as observé sur les joueurs ou joueuses, évidemment? Ce que j'ai surtout compris en tant qu'entraîneur, c'est que tu ne pouvais pas avoir, à mes yeux en tout cas, une méthode et point final. Parce que chaque pays a une culture différente chez les joueurs, a aussi des joueurs complètement différents. Tu parles à Singapour, tu as beaucoup de joueurs qui sont ultra vifs, qui sont pas très grands, mais qui vont vite, qui ont peut-être du mal physiquement à tenir 90 minutes parce que tu joues sous 35, 40 degrés avec beaucoup d'humidité. Par contre, quand tu viens par exemple au Québec, bah, tu as des équipes qui sont souvent, comment dire ça? Composé de joueurs qui viennent de beaucoup de pays différents, donc avec des caractéristiques différentes, qui sont totalement à l'opposé au niveau du temps de ce que tu peux vivre en Asie. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'entraîneur, tu dois être constamment en train de t'adapter, en train de devoir revoir ta méthode par rapport aussi à certains pays. au temps, au nombre d'entraînements par semaine, à comment les jeunes viennent s'amuser, viennent pour performer, viennent pour être professionnels. Donc, je pense que chaque pays a eu un environnement différent et il fallait s'adapter à qu'est-ce que tu pouvais proposer. Ah, je te prends par exemple un exemple. Dans le milieu professionnel à Singapour, j'ai été avec un groupe où il y avait 20 joueurs français. Et puis, 2-3 années plus tard, avec 15 Singapouriens et 5 Français. Donc, ce n'était pas du tout la même gestion. Ce n'était pas du tout le même mode de fonctionnement. Pourtant, on était dans le même pays, le même championnat, mais c'était des choses totalement différentes. Voilà, après, je pense qu'au Canada, au Québec, si tu gères une équipe niveau provincial AAA ou juste une équipe A ou 2A, c'est déjà pas la même chose. Tu gères pas aussi la même chose. C'est le sport études avec des entraînements tous les jours avec des athlètes élites ou dans un club. Donc, toujours t'adapter et puis bien analyser le caractéristique de tes joueurs, je pense, ou de tes joueuses, parce que c'est, au final, c'est la même chose. Tu dois t'adapter tout le temps. Est-ce que je sais que merci. Je sais que la question est un peu piège, mais est-ce que tu dirais que c'est le même sport, peu importe le continent, le territoire? Oui. Oui, pour moi, tu dois garder des principes de jeu à mettre en place. Tu es toujours 11 contre 11, on va dire. Si on parle des 13 et plus, non, pour moi, c'est le même sport. C'est juste que tu dois adapter peut-être ton management. Tu dois peut-être adapter certains contenus d'entraînement par rapport, comme je ne sais pas, je prends juste le temps. Là, si à Singapour, il fait toujours entre 30 et 40 degrés, avec beaucoup de taux d'humidité. Donc, je pense que tu es beaucoup plus sujet à des blessures ou à être fatigué beaucoup plus vite, là, par exemple, que dans certains pays où tu as 15-20 degrés. Puis, voilà, donc, c'est le même sport, mais tu dois t'adapter à chaque fois à des conditions différentes. Mais pour moi, tu joues toujours au foot, quoi. C'est ce que je me disais, ouais. C'est ce que je me dis à terme aussi, après les voyages. Tu l'as mentionné à un moment donné, tu m'as dit Thomas, j'ai un exemple, n'hésite pas, j'adore les anecdotes, j'adore les exemples. Je pense pas que la question puisse se poser, mais je vais quand même essayer. Au regard de la personnalité que tu te construis, que ce soit à travers le voyage ou tes expériences, est-ce que tu dirais qu'à travers ces différentes expériences que tu as pu vivre, il y en aurait qui seraient plus faciles que d'autres? À l'étranger, tout. Ouais, par exemple. Est-ce que tu penses qu'au regard de la personne que tu t'es construite, tu penses est-ce qu'il pourrait y avoir une expérience, même, je pense qu'elles sont toutes différentes, mais est-ce qu'il y a une expérience qui a été plus facile qu'une autre au regard des compétences que tu as ou de l'appétence ou des appétences que tu as? Non, parce que pour moi, dès que tu sors de la frontière, de la France et que tu vas dans n'importe quel pays, et que tu n'es pas dans un environnement touristique, tu deviens une personne qui prend du travail à une personne locale. Donc déjà là-dessus, là, quelles que soient tes compétences, quelle que soit ton expérience, tu sais que ça va être difficile. Parce que tu dois comme chaque jour prouver que tu es meilleur qu'un local. Tu dois chaque jour prouver que tu amènes un peu plus que quelqu'un du pays. Donc, est-ce que ton expérience peut te servir à le vivre, on va dire, plus ou moins sereinement? Mais tous les jours, c'est difficile parce que tous les jours, tu dois montrer quelque chose et tu n'as pas forcément le droit d'avoir des jours où tu es un petit peu moins bien ou des jours où ça se passe un peu moins bien parce que tout de suite, tu vas être jugé, réévalué. Donc, pour moi, il y a dès que tu pars de la France, c'est difficile et juste ton expérience t'aide à passer plus ou moins bien à travers les épreuves, mais c'est tous les jours, tous les jours tu as des défis. Est-ce que c'est le défi que la France te manque, que ta famille te manque, que c'est le défi qu'au club et après se le cacher des fois aussi, on te fait bien comprendre que t'es pas le bienvenu si parce que t'es pas de la nationalité, voilà. Donc les joueurs aussi par moment c'est pas toujours facile de bien se faire comprendre. Donc voilà, donc je pense que y a rien de facile quand tu es à l'étranger, quel que soit ton niveau. Puis tu le vois même, je parle sur les coachs professionnels, il y a des super coachs là qui partent de leur pays, n'ont pas forcément les résultats qu'ils avaient dans leur propre pays, parce que c'est pas facile de s'adapter, c'est pas facile d'être meilleur tous les jours que le coach local, c'est compliqué. Là. Long débat, non moins, enfin au contraire, extrêmement intéressant. Et en t'écoutant parler, il me vient la question, est-ce que tu oserais même dire que la pression est plus forte à l'étranger qu'en France ? Je sais pas, j'ai jamais vécu mon métier. Enfin, je vois pas ce que je fais comme mon métier, mais comme ma passion. Ouais. Donc, si tu veux, la pression, j'ai jamais eu la sensation de. Je sais pas, peut-être la pression, non. Le fait de devoir montrer chaque jour, pour moi, c'est pas de la pression, c'est juste de construire un niveau d'exigence. Et une carapace qui te permette de vivre ça, mais de la pression, non. De toute façon, s'ils ont envie de te mettre dehors, ils le font quand ils veulent. Par rapport, donc tu sais, je veux dire, j'ai appris à maîtriser ce que je pouvais, c'est-à-dire moi essayer d'être bon, moi pas faire de conneries pour pouvoir donner l'opportunité de me virer, et après derrière d'être le meilleur possible tous les jours. Ouais, je me suis plutôt construit en voyant les choses positives, de dire, ben voilà, tous les jours. Je travaille à fond tous les jours pour montrer que je suis indispensable et que je mérite de rester. Et voilà, c'est plus une pression pour moi d'être bon que de stress d'être bon, plutôt que de pression de ah, si j'y arrive pas, je vais me faire virer. Je pense que j'étais pas dans cet état d'esprit-là par le coup où je suis passé. Ouais, je comprends. Je partage tellement cette position de. Considérer tout de même que c'est difficile d'entrevoir que c'est un travail, mais que c'est une véritable passion. À travers ces voyages, tu as notamment eu l'occasion de pouvoir te former avec différentes fédérations. Est-ce que l'idée, c'est pas de comparer, de dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'est quoi ton regard sur. C'est quoi ton regard, ton observation, comment tu t'es construit? Comment tu peux quelles sont les différences que tu peux que tu as pu observer sur les différentes formations que tu as pu vivre sur différents territoires, sur différentes confédérations? Je dirais que c'est un petit peu biaisé parce qu'en France on a quand même un système de formation qui pour moi est au top. Moi c'est ce que je pense. Que quand tu ressors de tes licences brevet d'État premier degré à l'époque, où tu as un contenu, tu as une réflexion à avoir sur toi-même qui te force à acquérir un certain nombre de compétences, tu en acquiers beaucoup, tu as aussi toutes ces formes de recyclage qui te forment aussi à constamment te remettre en cause et aller chercher la nouvelle information. On est quand même un pays, j'allais dire, dans le monde qui essaie constamment aussi d'innover en termes de formation, qui essaye à chaque fois d'être à la pointe de la formation. Je pense que tu ajoutes à ça les formations universitaires qui sont aussi d'excellent niveau. Donc, je pense que quand tu sors du pays, tu as déjà un bagage de compétences et de connaissances et de réflexion qui est très, très élevé pour moi. Et c'est sûr qu'après, je n'ai pas retrouvé, si tu veux, ce niveau-là dans les autres pays où je suis allé. C'était des choses par exemple en Asie, c'était des choses très intéressantes mais qui dataient un petit peu de quelques années puis qui étaient plus trop à la pointe. Alors je sais qu'ils ont ensuite réévalué les contenus, mais en 2013 c'est sûr que quand j'ai fait ma licence A en Asie, c'était beaucoup de choses que j'avais déjà vues par exemple en Europe. Donc après c'était j'ai été avantagé, si tu veux, par rapport aux autres candidats, parce qu'en France c'était déjà des choses qu'on avait vues. Ensuite, après, au Canada, c'est encore totalement différent. C'est pas un pays qui a une grosse culture soccer, là. C'est plutôt et là, c'est pas méchant de dire ça, là, mais qui a une grosse culture sportive et plus de hockey et de basketball maintenant dans les écoles. Donc, les formations, elles sont très courtes. Elles sont limitées en termes de quantité d'informations. Je dis pas de qualité. Mais en termes de quantité d'informations, et puis ce que je trouve dommage au Québec, c'est que c'est difficile de s'ouvrir sur l'extérieur. Et pour quand par exemple pour moi, mon cas personnel, c'est difficile d'aller chercher de te former à nouveau, d'apprendre à nouveau, parce qu'à l'intérieur du pays, t'as pas grand-chose d'autre que les formations fédérales. En France, t'as de plus en plus dans le monde, t'as de plus en plus comment t'appelles ça, de conférences sur des méthodologies d'autres pays, sur des structures privées qui organisent plein de conférences et puis de formations sur différents domaines. Et ici, ça n'existe pas. Donc, pour aller chercher de la nouveauté, pour aller chercher des choses supplémentaires dans les compétences, il faut vraiment que tu te débrouilles tout seul. Donc, ce n'est pas du tout le même accompagnement. D'accord. Tu vis ces différentes expériences, tu continues à te former comme on l'a mentionné. À quel moment et tu l'as dit tout à l'heure un peu, tu as voulu trouver une expérience de pouvoir diriger des programmes sans pour autant parler du poste de directeur technique ou peu importe comment on l'observe, mais c'est juste de prendre un peu de recul pour pouvoir c'est ça être à la conception de méthode. À quel moment tu te fixes ce souhait? C'est ça, de prendre ce rôle-là dans un club, dans une structure, on l'appelle un peu comme on veut, peut-être différente suivant les cultures. Mais comment tu transformes ta posture? Ben, qu'est-ce qui te donne déjà envie de prendre cette position? Et comment toi tu passes un peu justement de la posture éducateur-entraîneur, puis à un peu directeur-manager? L'envie, je l'avais dès que je suis parti de France, parce que je l'ai vécu D'accord. pendant 7 ans. Je me suis éclaté, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça dans le club où j'étais en France, à le structurer, à l'organiser, à former des coachs, à essayer de travailler sous une certaine philosophie de jeu. Je me suis éclaté. Voilà. Après, je pense que j'étais conscient que quand je pars à l'étranger, je suis personne, entre guillemets, dans le monde du foot. Donc, je suis conscient que ça va passer par un temps où il va falloir accepter d'avoir peut-être moins de responsabilités, de prendre un maximum de choses que je peux prendre partout où je trouverai pour me construire mon expérience, pour me construire mon CV, pour me construire voilà, des choses qui donnent envie à un moment donné à une structure de me prendre à plein temps. Donc, je suis parti 2007. J'ai vraiment eu ce que je voulais en 2015 en termes de responsabilité. Donc, en 2008, ouais, j'ai mis 7 ans, vraiment 7 ans à trouver la structure que j'avais envie pour avoir ces responsabilités-là. Et durant 7 ans, je pense que j'ai eu l'humilité d'être souvent adjoint ou dans un staff et d'écouter, de regarder ce que les responsables faisaient. Voilà, de prendre ce qui marchait, de me dire ça marche pas, quand tu y seras, faudra surtout pas le refaire. Voilà, donc de prendre un maximum d'informations, de construire comme ça mon idée et puis de faire évoluer aussi mes compétences par rapport à ce que j'avais en France. Voilà, donc ça, je l'ai toujours eu, cette idée-là, mais après, il fallait de me construire à l'étranger pour avoir cette opportunité. Justement, parlons-en un peu, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, après les observations que j'ai pu faire en te voyant entraîner, les connaissances que j'ai eues sur un peu les réflexions que tu as, sans vraiment, j'y connais pas grand-chose, mais je sais qu'il y a énormément de réflexions autour de la méthode. Comment tu construis ta méthode, comment tu la construis, même si j'imagine qu'elle est en perpétuelle remise en question, et puis... Notre échange d'il y a quelques jours me montre que tu continues encore de te remettre en question pour pouvoir la faire évoluer. Et qu'est-ce que tu, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu nous pourrais nous partager sur ta vision justement de l'entraînement et éventuellement de la formation d'entraîneur? Comment tu souhaites passer ton message éventuellement à travers la structure dans laquelle tu es en ce moment? Je pense qu'on est le plus gros défi, c'est par exemple, j'ai des idées, j'ai des convictions, et puis quand tu arrives dans une structure, la première chose à faire, c'est d'analyser la structure, de voir comment tu vas pouvoir, par rapport à la structure, au niveau des coachs qui sont en place, à la mentalité du conseil d'administration, aux objectifs que le club te donne. À la durée du contrat que tu as aussi pour arriver à ces objectifs-là. Donc, voilà, c'est une grosse analyse pour savoir dans quel ordre tu vas faire les choses. Est-ce que tu vas pouvoir mettre 100% de tes convictions en place ou est-ce qu'il va, tu vas commencer par un petit peu, puis avec le temps, quand tu auras prouvé, tu vas pouvoir aller plus loin. Donc d'abord, je pense que cette analyse-là, elle est fondamentale pour ne pas te tromper et pour bien démarrer. Je sais que moi, par exemple, moi, je n'ai pas d'objectif de gagner à tout prix de résultats. Mon objectif, c'est de former des hommes, de former des joueurs et de structurer le club pour que les joueurs s'éclatent chez nous et restent jouer au soccer plutôt d'aller de devenir des pros de la console ou autre. Donc si tu veux, j'ai le temps de mettre en place j'ai eu le temps de mettre en place ce que je voulais. Donc voilà, et après c'est comment je fonctionne avec mes éducateurs. Bah c'est simple, je suis tous les soirs ou tous les jours sur le terrain avec eux. Je les accompagne dans leur mission, je les aide quand ils ont des problèmes. J'ai construit un sentiment, une relation de confiance avec eux parce que je les ai toujours défendus quand on a eu des problèmes. Alors après, ça n'empêche pas en interne d'avoir des échanges avec eux pour leur expliquer ce qui aurait dû être fait différemment pour éviter le problème et puis la prochaine fois. Mais je considère que j'ai des coachs bénévoles qui s'investissent de leur temps libre et ma mission numéro un, c'est les défendre par rapport aux parents, par rapport à plein de choses. Donc, j'ai pu construire une très bonne relation avec eux. Mais j'ai pu aussi construire de la confiance. Au départ, on est parti par des choses vraiment basiques. Puis avec des formations d'entraîneurs régulières sur des choses vraiment basiques. Puis avec le temps, je pense qu'on est arrivé là à des choses vraiment, vraiment super intéressantes par rapport à où on est parti. Je considère aussi que mon temps à moi, il est à Man. Enfin, je te donne un exemple. Cet été, on a dû mettre des entraînements tous les dimanches matins, premier U11-U12 par rapport à un nouveau programme au Québec. Ben, tous les dimanches matins, j'étais présent sur le terrain, alors que normalement, c'est essentiel le jour où je ne travaillais pas. Mais parce que le dimanche matin, il y avait des entraîneurs bénévoles qui prenaient le temps sur leur famille, moi, je me devais d'être là et d'être avec eux pour leur montrer que moi aussi, je les accompagnais dans cette tâche-là. Et je faisais rien ce dimanche matin, parce que j'étais juste là pour les observer, pour être avec eux, pour discuter avec eux. Mais je faisais rien, mais j'étais là pour les accompagner, pour leur montrer que moi aussi je passais du temps, puis que j'étais respectueux du temps qu'ils me donnaient à moi, puis aussi au club en venant entraîner les enfants. Alors, si tu veux, cette relation-là est très importante que j'ai pu construire avec les coachs, m'a permis ensuite après de faire petit à petit passer des messages effectivement sur qu'est-ce que je voulais au niveau des entraînements, sur comment je voulais que ça se passe, comment je voulais qu'on joue. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné au départ. D'accord, je te remercie. Tu mentionnes le fait que voilà, tu veux former des hommes. Là où vous êtes rendu actuellement, ça a beaucoup évolué par rapport à où vous êtes parti. Elle ressemble à quoi la réflexion de Nicolas pour justement, à travers le football, former des hommes? À travers les entraînements, à travers tes formations, qu'est-ce qui te semble essentiel et puis comment tu le mets en place? Je pense que la première chose, c'est de mettre en place demander à mes coachs de respecter des valeurs toutes simples. Le joueur doit être à l'heure, d'instaurer une communication avec le joueur, qu'il y ait une forme de respect entre le joueur et l'entraîneur. Et moi, mon rôle premier, avant de parler de foot, il est là-dessus. C'est-à-dire que le jour où j'ai un joueur qui ne respecte pas l'entraîneur, je vais le voir directement, je le prends à part, puis je lui remets les idées en place. Parce que pour moi, c'est pas acceptable de pas respecter un adulte quand il y a un ado ou un enfant. Ah, donc, on s'est construit comme ça au niveau du club, où avec les coachs, les formations, comment communiquer avec les joueurs, comment construire, leur donner des valeurs aussi. On fait partie d'une équipe, donc tu as des règles d'équipe à respecter. Tu connais le contexte québécois aujourd'hui dans une société hyper individualisée, donc tu sais que c'est pas simple de faire ce genre de choses. Donc avant tout projet sportif, il y avait d'abord ces valeurs-là à mettre en place et à respecter. Et je me suis fait, quand je parlais tout à l'heure, d'aider les coachs. Moi, mon job, il est au départ, maintenant un peu moins ce que c'est ancré au niveau du club, mais c'est respecter ces valeurs. Tu parles mal au coach, t'es le meilleur, moi je m'en fous. Qui tu sois, tu sors du terrain. J'écris aux parents pour dire votre enfant, il a eu une attitude inacceptable, on n'est pas dans il y a des savoir, il y a un savoir-être à avoir, merci de discuter avec lui pour qu'il respecte ça la prochaine fois. Voilà, donc vraiment, avant l'aspect sportif, je me suis vraiment attaché à ces valeurs fondamentales parce que sinon, tu ne peux rien faire après sur le terrain si tu n'as pas ça. Donc, voilà, beaucoup travaillé avec les coachs, fait des réunions collectives, individuelles avec les coachs qui avaient du mal à s'imposer pour faire s'imposer une certaine structure. Puis aujourd'hui, je suis super content. Tu as des jeunes coachs qui font leur propre règlement, tu as des coachs qui font leur propre réunion avec les parents pour mettre les choses en place. Voilà, donc je suis super content parce que ça a énormément évolué. Tout n'est pas encore parfait, mais tu as des choses qui sont bien ancrées maintenant, je pense, au niveau du club. Donc c'est positif. À leur tour, ils prennent des initiatives avec le contexte que tu as pu créer et puis ils deviennent autonomes, c'est ça, dans leur gestion Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on commence à avoir la. Ben, comme je suis arrivé il y a 5 ans, le directeur technique qui était avant moi, Christophe Blin, avait fait aussi ce travail-là. Donc, si tu veux, tes jeunes coachs maintenant sont des joueurs qui ont été élevés, entre guillemets, au niveau du club de soccer dans cet état d'esprit-là. Donc, si tu veux, c'est aussi plus facile pour faire passer un message maintenant. Mmh, ils ont développé ce sentiment d'appartenance. Pardon ? Non, je dis que c'est intéressant de pouvoir développer ça. Après, pour répondre à ta question plus précisément sur le jeu, en fait, on a commencé la philosophie du jeu et l'ADN du club, c'était bien avant tout le monde, c'était d'essayer de repartir à chaque fois court du gardien de but et après de procéder, si tu veux, avec du jeu court, de jouer, d'essayer d'apprendre à nos joueurs à jouer pour gagner des matchs. Voilà, donc on a beaucoup travaillé autour de cet ADN-là, autour de cette philosophie-là. On a construit avec plusieurs coachs et avec mes différents adjoints dans le temps. En fait, on a construit un programme technique dont le centre est le plus important, c'est le joueur. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on veut rajouter un élément au programme ou qu'on veut mettre certaines choses dans notre modèle de jeu, c'est est-ce que ça va bénéficier au joueur et si oui, comment ? Et si la réponse est non, ben on ne le fait pas parce que le centre, c'est le joueur. Tu as des exemples ? Pardon ? Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu as des exemples ? Oui, ben, par exemple, par exemple, on a décidé de mettre en place une méthodologie d'entraînement des U9 à U18. Donc la première réflexion, c'était est-ce que c'est intéressant pour le joueur ? Ou est-ce que ça ne va pas être trop répétitif de pratiquement tout le monde tout le temps faire la même chose ? Que le joueur entende pendant 7 ou 8 ans le même discours, même si ça va être des coachs différents. Donc voilà, donc au niveau du club, on s'est réunis avec les coachs, et dire est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas ? Ou alors est-ce qu'on fait des choses de U9, U12, et puis après U13, U18 voilà, donc ça, c'était un premier exemple. Après, on dit, OK, est-ce que c'est intéressant pour le joueur qui vient s'entraîner deux fois par semaine ? Quel type d'entraînement peut être intéressant pour lui pour qu'il reste motivé ? Est-ce que je te donne un exemple basique, est-ce que c'est... On va se faire des passes face à face pendant 25 minutes, ou c'est au contraire, est-ce qu'il veut qu'il vienne, qu'il s'amuse, qu'il fasse du jeu, qu'il ait plein de défis et des matchs pour que l'enfant soit heureux quand il repart et qu'il reste avec nous pendant 7-8 ans. Voilà, est-ce que tu connais le soccer au Québec, il n'y avait jamais de pause, tu faisais 80 matchs par semaine par an à peu près avec les tournois, les matchs de ligue. Est-ce que c'est pertinent pour le joueur d'aller à contre-courant de tout puis d'imposer une pause de 6 semaines sans soccer à tous nos membres? Tu vois, donc la réponse a été oui. Donc là, on s'est engagé dans un combat avec tous nos parents pour démontrer que c'est pas parce que tout le monde faisait quelque chose que c'était bien et que les études prouvaient qu'il fallait avoir une pause psychologique et physique pour continuer d'aimer le soccer. Tu vois, sur des choses concrètes comme ça. Si vous avez la question, si tu veux développer une façon de jouer comme une au club de U9 à U18, est-ce que c'est pertinent pour le joueur ? Et en quoi c'est pertinent pour le joueur ? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos entraînements pour que ça soit fun pour le joueur de venir jouer de cette façon-là, par exemple. D'accord. Voilà. J'ai relevé, non, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'ai relevé notamment sur ton site internet d'entraîneur où tu as l'occasion d'énumérer tes différentes expériences, un modèle de jeu, une méthodologie de formation que tu aurais développée avec notamment 5 items. Je pense que tu les maîtrises mieux que moi, mais juste pour qu'on soit sûr de parler de la même chose, il y en a un qui s'appelle Learn How to Play, Learn how to score, Learn how to defend, avec deux onglets qui sont plus sur l'aspect technique et l'aspect développement athlétique. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration par rapport à ça et comment ça s'est développé? C'est complètement d'actualité, on est complètement dedans. On est, si tu veux, on a un... J'ai ouvert carrément le club à partir des U11 pendant tout l'hiver sur aller jouer contre des équipes ou des clubs d'autres régions parce que le soccer au Canada fait qu'en fait tu joues toujours contre les mêmes équipes. Ah, de U9 à U14, tu joues contre les mêmes équipes, contre les mêmes joueurs. Et en fait, voilà. On ne tirait plus beaucoup d'indications de nos matchs, si tu veux. C'était, voilà, tu savais contre qui tu allais perdre, tu savais contre qui tu allais gagner. Donc pendant tout l'hiver, dans les 3 dernières années, on a été joué contre des clubs à Montréal, qui est un niveau, selon moi, supérieur à ce que l'on a nous. Et à travers ces matchs-là, qu'on a filmés, je suis allé tous les voir pratiquement, j'en ai pas raté un. Bah, ça m'a permis de, puis au coach aussi, de définir en fait ce que l'on savait faire et ce que l'on ne savait pas faire au niveau du jeu et quels étaient les éléments à tout prix qu'il fallait qu'on travaille et pour progresser. Parce que bah, on a un niveau là, mais l'objectif c'est d'aller toujours au niveau supérieur, c'est de chercher sans arrêt à s'améliorer. Donc l'idée c'était comment on peut structurer notre programme d'entraînement par rapport à ce qu'on sait faire et par rapport à ce qu'on ne sait pas faire. Et par rapport à comment on a envie de jouer. Je te donne un exemple. Sur les 2 dernières, quand on jouait pour l'équipe de Montréal, on était capable de rivaliser dans le jeu. On était capable de jouer, de se déplacer. On était incapable de se créer des occasions. C'est-à-dire qu'à partir du milieu de terrain, on n'existait plus. Ça, c'est un exemple, par exemple. Sur certains points, on était techniquement, on avait des très bonnes bases, mais tout ce qu'on faisait, c'était trop lent. Ça allait beaucoup plus vite dans les équipes que l'on rencontrait. Ah, donc, ça a été que des statistiques, des évaluations de notre niveau de jeu. On est parti vraiment de ce que l'on savait faire et pas faire. Donc, ce que je te disais au départ, hein, d'analyser ce que tes joueurs savent faire pour construire quelque chose qui vraiment est propre à notre club. Donc, à partir de là, on a dit bah, dans nos entraînements, on était très, très centré sur, bah, sur apprendre à jouer à nos joueurs. Mais on faisait pratiquement très, très peu de travail de finition, de course, on travaillait les courses dans les 30 derniers mètres. Donc, si on faisait pratiquement jamais ça parce qu'on était bien trop focalisé sur le jeu. Je pense pas qu'on soit les seuls à avoir ce défaut-là, mais je pense qu'on était bien trop là-dessus. Donc, du coup, j'ai réfléchi, puis j'ai décidé carrément de changer l'organisation de nos entraînements. Donc, maintenant, dès les U9, une fois par semaine où on a décidé c'était un thème apprendre à jouer. Donc, c'était, si tu veux, c'est du gardien de but jusqu'à 30-35 mètres du but adverse. Donc là, une fois par semaine, sur ces différents thèmes et principes, on apprend à nos joueurs à ce que l'on veut voir sur le terrain. Et une fois par semaine, c'est obligé que chaque équipe du club s'entraîne à marquer des buts ou s'entraîne dans les 30 derniers mètres à créer des occasions pour marquer des buts, ce que l'on ne faisait pas avant. Voilà pourquoi tu as à apprendre à jouer, tu as à apprendre à marquer. Parce qu'aussi, en le mettant bien, le définissant bien par des mots, je voulais aussi que mes coachs comprennent que c'était un problème, parce que ça a été identifié en réunion. Et je voulais aussi que quand ils arrivent, par exemple, un dimanche sur une séance sur du 12, ils savent que le thème, ça va être apprendre à marquer. Et ils savent qu'ils doivent aider nos joueurs à mettre des buts, par exemple. Voilà. Donc après, bah, il y a apprendre à défendre, mais selon ce que tu travailles dans apprendre à jouer et apprendre à marquer, bah, tu le retrouves automatiquement, là. Quand tu fais, je sais pas, du 2 contre 1, t'apprends à défendre à 1 contre 2, par exemple, ce genre de choses, j'invente rien, mais c'est important. Dans le développement technique, on a aussi tout refait nos exercices techniques avec comme objectif à chaque fois que l'exercice technique corresponde à ce qu'on avait envie de voir dans notre jeu et surtout de le mettre le joueur en situation où il doit faire les choses vite, voilà. Soit des contraintes de temps, soit des contraintes d'adversaire. Et même si le geste il n'est pas parfait, mais que le ballon arrive là où on veut et vite, ça nous satisfait. Voilà. Donc, et après, y a aussi après le développement athlétique, bah, c'est pareil. Au niveau du développement athlétique, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos joueurs, par exemple, U9 arrivent en U13 avec des bases de coordination, de vitesse, comment on travaille? Voilà. Donc, et par rapport aussi à la façon dont on veut jouer. et la façon dont on a envie de construire nos équipes. Enfin, donc, si tu veux, c'était, on a fait ça depuis janvier l'année dernière, on a tout repensé. Là, on arrive à peu près à la fin, ça fait un an et demi. On arrive à peu près à la fin de ce que l'on veut faire. On a aussi, on essaye aussi petit à petit de faire changer notre vocabulaire en utilisant des mots-clés comme le mot coopérer, comme les mots synchroniser ensemble ce que l'on fait, comme le mot comment réagir à la, beaucoup de compétitions pour gérer les émotions de savoir perdre. Alors, c'est pas accepter de perdre, c'est comment tu gères le score négatif et comment tu te comportes pour gagner, pour le remonter. Donc là, on a mis, on a essayé de mettre tout ça un petit peu sur papier pour construire exactement ce que l'on voulait dans notre programme d'entraînement de U9 à U18. Bon. Je sais pas si c'est bien ce que je dis et c'est très compréhensible parce que moi je baigne dedans tous les jours donc dans mon cerveau c'est super clair. Je sais pas si j'ai réussi à faire passer mon message de manière très très clair ou si c'est compréhensible, je sais pas, dis-moi si c'est pas compréhensible, j'essaierai de le réexpliquer. La certitude que j'ai, c'est comment moi je le perçois, d'autres personnes le percevront peut-être autrement. Ce qui est certain, c'est que merci d'être transparent et de prendre le temps. L'autre chose que je souligne, c'est qu'il y a eu plusieurs fois l'envie d'arrêter de pouvoir poser une question entre les mots, mais après, c'est le risque de t'empêcher d'être sur ta lancée. À la rigueur, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Prenons l'exemple du learn how to score, donc comment marquer. Est-ce que, et j'imagine, pour un peu avoir pu l'occasion de te côtoyer, ça doit se décliner. Si c'est le cas, comment ça se décline de façon très concise, hein, je pense qu'il y aurait longtemps à parler, mais de façon concise, comment ça se décline et comment ça devient opérationnel sur le terrain? On a encore une fois parlé de ça, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tous nos joueurs offensifs avaient des qualités, propres à chacune, mais c'était jamais dans l'intérêt du collectif. D'accord. Très peu de joueurs, par exemple, faisaient une course en sachant qu'ils n'auraient pas le ballon, mais pour qu'un partenaire puisse avoir de l'espace pour marquer. Je donne un exemple. Très peu de joueurs, après avoir éliminé un joueur, avaient l'envie de faire la passe à un copain pour que ce soit lui qui marque. Et donc, si je dribble un joueur, en gros, il fallait que ce soit moi qui marque pour avoir la lumière. Je te schématise ces deux points-là. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des vidéos de nos matchs, des séquences vidéo de nos matchs. On a d'abord montré à nos joueurs pour qu'ils se rendent compte que c'était pas possible. Et puis après, on s'est mis à travailler spécifiquement des actions de match qu'on retrouvait tout le temps et fréquemment en match, mais que nos joueurs ne savaient pas gérer. Je te donne un exemple, comment tu gères. On avait énormément de situations à 4 contre 3, 3 contre 2, des situations de supériorité numérique que l'on arrivait à créer en jouant. Mais on était incapable de marquer parce que les joueurs ne bougeaient pas. Donc on s'est mis à l'entraînement pendant 2 ou 3 semaines. On a créé des exercices pour pouvoir forcer les joueurs à faire des courses tout en sachant qu'ils n'auraient pas le ballon, et que ce soit pour un autre partenaire. On a mis plein de comment gérer des supériorités numériques, on a tout remis ça en place. On est parti de la base, on est parti du terrain, ce que l'on ne savait pas faire. L'histoire de course, de jouer en équipe, et puis on a décliné ça sur le terrain avec des exercices tirés des situations de match qu'on ne maîtrisait pas. On les a mis en place, on a travaillé avec les joueurs, on a cherché à corriger, on a cherché à leur expliquer si tu fais cette course-là, tu ne vas pas avoir la balle, regarde, mais ton copain il va arriver, puis on va marquer des buts. Voilà, donc on a eu la chance aussi après, la chance entre guillemets, d'augmenter le nombre de buts que l'on marquait par match. Donc ça a permis aussi aux joueurs de comprendre que finalement c'était intéressant pour gagner d'être dans cet esprit-là collectif. Et puis du coup, quand on a parlé des U11, des U9, U12, on s'est assis à table, on a fait la même chose. On a dit comment U11, U12, on peut leur apprendre déjà à avoir cet état d'esprit-là. Tout simplement, d'enseigner à nos 9 ou 12 aussi, cours, tu vas pas avoir la balle, fais la course, mais c'est pas grave, regarde, c'est le copain qui va marquer. Donc, si tu veux, à chaque fois, on part de ce que l'on sait pas faire à un niveau élite pour l'enseigner. Alors, bien sûr, c'est pas le même exercice, c'est étape par étape sur nos 9 ou 12 pour qu'à un moment donné, on soit capable après de combler nos manques et d'être meilleurs dans quelques années. Après, c'est la même chose sur des centres, on a toujours des joueurs qui sont à l'arrêt. Donc, au lieu de travailler avec des centres où il n'y a pas de défenseurs, ben, on s'est mis à mettre des défenseurs sur des centres pour leur enseigner à passer devant, à viser certaines zones. Donc voilà, tout est tiré à chaque fois de l'expérience du jeu pour construire nos principes et puis travailler à l'entraînement sur ce qu'on ne sait pas faire pour s'améliorer. Je trouve qu'on est sorti du cadre général, si tu veux, pour aller sur un cadre vraiment spécifique sur ce qu'on ne savait pas faire. Ça prend forme dans mon esprit. Comment, par exemple, dans ce cas de figure, dans ce processus de développement, comment vous faites passer votre message pour que, comme tu l'as signalé, pour que les joueurs prennent du plaisir, pour que ce soit de forme de ludique? Et comment vous transformez ça pour que ça prenne du sens pour le joueur, pour lui montrer que bah, c'est cette voie que se suivent, enfin, c'est cette voie qu'il faut suivre, pas parce que je le dis, mais aussi parce que c'est dans le sens du jeu, c'est que c'est cohérent, ça a du sens aussi pour le collectif et pour tendre vers le meilleur résultat possible. Comment dire ? Déjà, on n'est pas un club focalisé sur le résultat. Oui. On est un club focalisé sur le processus pour arriver à avoir un résultat. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien gagner un match, puis dire à la fin du match aux joueurs, hey, je suis désolé les gars, on a gagné aujourd'hui, mais dans ces points-là, franchement, on n'a pas été bon. Voilà. Et on a gagné, fantastique, on a le résultat, parce que tu joues le match pour tout le monde, joue le match pour gagner. On a le résultat, mais le processus, c'est la manière, c'est vraiment pas ce que l'on veut faire. Voilà. Et puis, donc, tu discutes après avec les joueurs. On a commencé aussi à se servir de la vidéo. C'est compliqué parce que ça coûte cher, parce que faut avoir ça coûte cher, ou alors faut à chaque fois avoir des personnes qui filment. Puis si t'as pas une bonne caméra, c'est illisible. Mais on a commencé à se structurer là-dessus. Donc, on a pu commencer à montrer aux joueurs, ben, regarde ce que tu fais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Voilà, donc on a commencé à se servir de ces outils-là. Après, on s'est. Et si tu veux, bah, je pense que quand on a commencé à travailler comme ça, les joueurs ont dû se dire bah, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils veulent changer des choses. On répète souvent les mêmes choses à l'entraînement. Sauf que, bah, on s'est amélioré, on a commencé à gagner un peu plus de matchs, à marquer un peu plus de buts. Et comme les coachs ici, on a fait beaucoup de réunions pour qu'on mette l'accent sur le processus plus que sur le résultat. Ben, quand t'expliques aux joueurs, ouais, on a gagné, mais regarde, toi, t'as fait ces courses-là, c'est un tel qui a marqué, donc on a gagné, bravo aux deux. Tu vois, c'est aussi la façon dont tu communiques avec tes joueurs. Si tu félicites que le buteur, ça marche pas tout le temps. Donc, faut que tu sois aussi, toi, pertinent dans l'analyse du jeu pour voir quel joueur a fait quelle course, quel joueur a fait tel dribble, au lieu de jouer tout seul, il a fait une passe. Voilà, puis après, il faut que tu sois cohérent aussi dans ce que tu dis aux joueurs sur le processus. Voilà, faut croire en toi, faut croire que ce que tu fais, ça va marcher. Et si ça marche, après, être capable de faire passer le message aux joueurs. Mais ça prend du temps, ça prend des explications, de la communication, de la vidéo un petit peu. Moi, je pense que c'est en tout cas, aujourd'hui, nous, on a énormément progressé là-dessus, dans comment les joueurs croient en ce que l'on veut faire. Mais ça prend du temps et je pense que c'est le management plus que les compétences du coach qui sont là-dessus. Comme il faut qu'on, en tant que directeur technique, il faut aussi convaincre les coachs que c'est la bonne façon pour gagner. Que la façon dont tu as envie de jouer, la façon dont tu as envie de travailler à l'entraînement, donc tu découpes les entraînements, ce que tu leur demandes de faire, ben, faut qu'eux aussi, tu les convainques que ça marche. Justement. Tout à l'heure, tu dis, bah, Thomas, je ne sais pas si c'est clair pour toi, j'ai la tête dedans, donc pour moi, c'est évident. Justement, dans l'action, Nicolas, comment toi, comment vous, vous organisez pour, de façon très opérationnelle, je ne sais pas si c'est quoi, une réunion par mois, une réunion par semaine, comment tu gères, comment tu coordonnes la logistique du message. Là, je balance plein d'idées comme ça, mais tout en étant dans l'action. Comment vous trouvez le temps et la coordination pour l'équipe technique et puis les bénévoles pour pouvoir en gros partir du terrain, faire des observations, recréer du contenu pour se réadapter et après de façon redescendante pour refaire passer le message et sans pour autant, avec tout ce que tu viens de dire, pour faire passer que c'est le bon message? Bah déjà, j'essaie toujours de le faire sur mon équipe avant de le proposer aux autres. D'accord. En fait, la première chose, c'est que je n'ai pas forcément le temps de coacher, parce que les semaines sont lourdes, mais je prends toujours une équipe et à 11 contre 11 et à un niveau élite justement pour, avant de passer des messages à tous mes coachs, d'essayer de mettre en place les choses comme je les vois, comme j'en ai envie, de faire tout ce que je viens de t'expliquer, ce processus avec oui. mon équipe et avec mes joueurs. Donc, ça me donne des éléments, ok, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, ça peut être différemment, ok, ça, ça marche, ça m'a permis, je sais pas, de marquer plus de buts, faire ci, faire ça. Je te donne l'exemple de l'équipe que je coachais, on est passé de la 10e ou 11e attaque et on finit avec la meilleure attaque sur 3 années d'âge au triple A au Québec. Donc, on a vraiment progressé dans le fait de marquer des buts et avec les mêmes joueurs. Donc, si tu veux, c'est aussi ces petites stats-là que quand tu les présentes au coach, regardez, voilà comment on a travaillé, voilà où on est passé par rapport aux objectifs. On a marqué tant de buts, on en a marqué tant après. Donc là, à un moment donné, c'est toujours de prouver par l'image ou par des choses réelles que ça fonctionne ce que tu as fait. Bon. Donc après, l'idée, quand une fois qu'on a fait ça, c'est aussi de dire, de faire des réunions, de dire, ben voilà, voilà comment on veut travailler. Je sais que ça va prendre du temps. Ah, je vous fais confiance. Voilà comment on peut mettre en place, voilà ce que j'aimerais voir. Tous les jours, tous les soirs, je suis sur le terrain avec eux, donc pour voir ce qu'ils essayent, ils n'essayent pas. S'ils ont essayé que ça n'a pas marché, comment faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est énormément de temps avec eux. Après, au niveau des réunions, c'est, le Covid nous a aidé à en faire plus. C'est un aspect positif du Covid. Voilà, de provoquer plus de discussions, d'avoir plus de temps pour échanger. Le Covid nous a aidé aussi à pouvoir construire des situations d'entraînement exemple. Pour voilà, t'as ce problème-là, parce qu'on a à peu près tous les mêmes problèmes au club, là. Comme on peut essayer de jouer de la même façon, ce sont les mêmes problèmes, quel que soit l'âge, qui ressortent. Donc, on a construit des situations, si tu veux, référence aux problèmes que l'on donne aux coachs pour qu'ils aient un exemple quand ils construisent leur séance. En U9-U12, c'est le club qui fait toutes les séances qu'il donne aux coachs pour qu'on s'assure que ça soit un modèle uniforme et que ça réponde aux exigences de Soccer Québec. Et en U13-U18, ben, on donne des situations exemples pour que les coachs puissent voir ce que l'on veut dire. On travaille aussi beaucoup avec des exemples de haut niveau. Regarde, il y a des équipes qui font comme de haut niveau. Voilà ce que nous n'arrivons pas à faire. Regarde, quand on y arrive, voilà ce que ça peut donner. Donc, si tu veux, on essaie de beaucoup travailler là-dessus. Tous les soirs, une fois par mois, des exercices exemples que l'on fait, nous, la direction technique que l'on donne aux coachs bénévoles. Et comme je t'ai dit, je pense que je suis dans un club où j'ai de la chance, c'est que les coachs aussi vont voir les matchs des autres équipes. Tu sais très bien, au Québec, ce n'est pas forcément le cas oui. partout. Oui. Donc, les coachs vont voir les matchs des autres équipes. Quand c'est moi qui coach, ils viennent encore plus voir pour voir si je fais aussi vraiment ce que je demande de faire. Donc, si tu veux, ça engendre beaucoup de discussions. Puis, je prends le temps de beaucoup échanger avec eux aussi. Ça m'est arrivé, après un match, de rester 3 quarts d'heure, 1 heure avec mes coachs à discuter du match. Pourquoi tu as fait ci okay, voilà. Donc, c'est beaucoup de temps. Merci beaucoup, ça répond parfaitement à la question. Bah, durant le podcast, j'ai eu l'occasion de parler du Canada, j'ai eu l'occasion de parler de l'Australie, j'ai eu l'occasion de parler de la Chine, j'ai eu l'occasion de parler de différents pays, mais Singapour, c'est pas très loin de la Chine, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Et il s'avère que dans ton parcours, je pense que ça a eu une importance, pas plus que les autres, mais quand même. Est-ce que, pour recontextualiser, est-ce que on peut quand même, on fait un petit flashback, c'est en 2010. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit que tu étais parti par l'occasion d'un contact, tu pars pour entraîner une équipe d'un très bon niveau, a priori, tu en parleras mieux que moi, tu l'as mentionné durant 2 exemples où tu as pu encadrer 2 équipes avec... des groupes composés de structurés autour de structures de groupes différentes. Est-ce que tu peux nous recontextualiser brièvement un peu l'expérience ? Et puis je pense que je vais avoir une ou deux questions qui vont probablement émerger, sachant que j'en ai déjà en tête. Bah écoute, c'est la personne avec qui je suis parti en Australie qui a joué aussi en Australie, en Asie du Sud-Est, qui avait comme idée de créer une équipe professionnelle au sein du championnat de Singapour, parce que chaque année, ils accueillaient ce type d'équipe-là dans leur ligue. Donc j'ai participé à la création, à la construction de l'équipe. mon rôle à moi, il était pas de coacher l'équipe en tant que telle, il était d'être assistant, d'être entraîneur adjoint, d'être dans le staff, d'essayer de créer ensuite la structure de l'académie et des jeunes au sein du club. Ah, donc l'entraîneur, c'était Patrick Vallée que j'avais rencontré avant, puis on voulait travailler ensemble, puis on a eu cette opportunité-là en 2010 de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que c'était, pour moi, c'était ma première expérience, on va dire, sur le haut niveau. Puisque dans notre équipe, on avait quand même des joueurs qui avaient joué en Ligue 1, on avait joué, qui avaient joué la Coupe d'Europe, d'autres qui avaient joué en Ligue 2 nationale. Tu avais des joueurs vraiment très expérimentés et qui connaissaient vraiment ce que c'était le haut niveau et le monde professionnel. Donc pour moi, qui n'avait jamais vécu ce niveau-là, ça a été vraiment une expérience fantastique où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Sur les attitudes à avoir, sur la mentalité, sur la gestion d'un groupe, sur la gestion d'un résultat, les rapports avec la presse. Je pense que c'était vraiment une très, très forte année en termes d'acquisition de compétences. Voilà, donc on a, le coach aussi était très, très compétent, et donc ce qui nous a permis d'avoir des résultats. On a gagné le championnat, on a gagné la Coupe de la Ligue. Beaucoup, beaucoup de difficultés traversées durant la saison. Donc aussi dans l'expérience de, comme tu disais tout à l'heure, on disait de pression, de stress. Hein. Je pense que moi, après cette année 2010-là, le foot, ça a été que du plaisir. On a eu de situations stressantes et de pression à gérer. Voilà, donc c'était beaucoup de plaisir quand on était sur le terrain, en dehors, plus difficile. Mais c'était pour moi, ça, si tu veux, ça a élevé mon niveau d'exigence que j'avais avec moi-même, ça a élevé mon niveau de réflexion aussi par rapport au jeu. Voilà, ça a tout élevé chez moi dans tout ce que je pouvais penser et faire. C'est mon niveau de compétence a vraiment progressé là-dessus. D'accord. Ça, c'est un fait. Si... Domaines, comment domaines, dans tous les domaines. D'accord. Dans la gestion des détails, l'approche d'un match, comment tu communiques avec les joueurs qui, eux, ont des objectifs de contrat, de renouveler le contrat, de partir peut-être ailleurs. Enfin, toutes ces choses-là, ça a une grande importance dans ta communication, gestion du détail sur le terrain, comment tu analyses aussi le jeu de l'adversaire, ce qu'au niveau amateur, tu n'as pas forcément les moyens pour faire. Enfin, voilà, vraiment, tout ce que j'avais jamais fait, bah, ça m'a permis de le faire et de le vivre. Et voilà, donc, super expérience pour progresser et grandir. Ça, c'est 2010. Après, quand je suis revenu créer l'académie, bah, le club avait des problèmes financiers. Malheureusement, il a été amené à disparaître, mais j'ai gardé, si tu veux, le nom du club en créant tous les jeunes. Donc là, c'est pareil. C'était comment faire beaucoup avec rien. Donc, ça a été un an et demi, vraiment, encore une fois, vraiment très enrichissant pour moi et puis sur ma résilience, on va dire, à œuvrer dans la difficulté, à réussir dans la difficulté et être performant dans la difficulté. Donc, Singapour, pour moi, au départ, c'était vraiment... ça m'a permis de beaucoup, beaucoup grandir, de développer mon anglais, de construire un réseau, aussi de connaissances. Et donc, c'était très, très positif de gagner des titres aussi, de montrer ce que je pouvais savoir faire dans le temps. Peut-être de simple assistant au départ, je suis ressorti avec beaucoup plus de capacité d'être un coach de ce niveau-là et de d'avoir progressé dans ma vision du foot et de ce que je pouvais être comme coach, très positif. Après, ma deuxième expérience à Singapour, c'était dans un club local, donc j'avais 5 étrangers, puis le reste, c'était des Singapouriens, presque 3 ans. Donc là, vraiment super. Encore une expérience différente, puisqu'on était avec des joueurs professionnels singapouriens, d'une mentalité différente et une culture différente de ce qu'on pouvait avoir vécu avec des joueurs français. Voilà, un staff qui était aussi 100% singapourien, président, général manager et tout ça. Donc encore un mode de fonctionnement et une culture totalement différente. Donc encore une fois, beaucoup de choses apprises, beaucoup de leçons retenues. Mais aussi beaucoup de plaisir pris, parce qu'on a continué j'étais encore avec Patrick Vallée, puis on a continué à avoir des résultats. On a fait finale de Coupe de Singapour, finale de Coupe de la Ligue, donc des environnements différents, des résultats et encore pour moi la forme d'apprentissage de travailler avec Patrick, mais aussi de l'environnement différent qui ça me sert énormément aujourd'hui pour être relax par rapport à la situation que je vis parce que je sais que j'ai vécu largement plus compliqué en Asie quoi. Comment tu l'expliques justement ce contexte un peu instable, un peu difficile justement à appréhender, à gérer? Je pense qu'il y a déjà une façon de penser et de vivre qui est totalement différente. Donc là, déjà, tu as obligation de t'adapter à vitesse grand V. Mais malgré tout, même si on arrive à s'adapter, je pense que dans un coin de ta tête, tu te poses encore plein de fois, mais tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est quoi ça? Donc il faut totalement que tu te gères aussi dans tes émotions. Donc, t'adapter pour montrer que tu peux aussi, quand tu es dans un environnement local, il faut aussi que tu montres que tu es capable de vivre dans cet environnement-là. Les personnes, ils sont très sensibles. Hein, donc, surtout à Singapour, avec beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le monde de la finance, qui sont très, très aisés financièrement, qui ont beaucoup d'avantages par rapport aux Singapouriens, qui ne sont pas toujours très humbles et ce n'est pas toujours très bien perçu. L'objectif pour nous, c'est de se faire percevoir différemment, tout simplement, puis de vivre à la mode locale, pour être accepté comme l'un d'eux. Ah, donc, je pense qu'au bout de 5 ans, moi, en tout cas, j'ai la sensation, au bout de 5 ans, d'être accepté par la communauté des coachs singapouriens, même si c'est singapourien, même si après, comme je te le disais au départ, je restais toujours un coach qui prenait un job à un coach local, malgré tout. Donc, ça aussi, il faut apprendre à vivre avec. Mais écoute, c'est constamment t'adapter, constamment t'adapter. C'est très formateur, hein. Franchement, c'est très formateur. L'instabilité, elle vient qu'il y a des moyens financiers qui sont pas très élevés à Singapour, que c'est un pays où la qualité de vie est fantastique. Donc voilà, les jeunes ont pas forcément tout le temps d'avoir l'habitude de forcer pour obtenir quelque chose. Donc, quand ils sont en situation d'échec dans un club pro, chez les jeunes ou après en équipe professionnelle, c'est plutôt comme disait récemment, j'ai lu Régis Lebris là, de UFC Lorient là, dans un article qui disait que c'était toujours un alibi, c'était la faute des autres. C'est à peu près ça que tu retrouvais aussi dans ces pays-là. Donc, et après, les salaires ne sont pas très élevés, donc ce n'est pas un objectif majoritaire pour une partie de la population des footballeurs professionnels aussi. Oui. Donc puis tu as des coûts parallèles, tu as des pays à côté où tu as des bons salaires, c'est stable, la situation économique est très. Dans le sport, en tout cas, était avant le Covid, je ne sais pas maintenant. Faisait en sorte que le joueur avait envie d'être pro parce que c'était aussi une façon de sortir de la pauvreté et que dans des pays autour, c'était un job très intéressant financièrement. Donc, c'est pas la même vision des choses. Quand tu dis justement, même après quelques années, tu observes un peu ce qui se fait autour de toi, puis il y a des façons de penser que tu ne comprends pas forcément, tu fais référence à quoi? Il y a des choses... Il y a un contexte où tu as eu du mal à t'adapter, même avec au bout de plusieurs années? C'est juste que tu les anticipes et puis ça te fait sourire après. D'accord. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, les premières années, tu te dis OK, il me dit ça. Et puis, je donne un exemple, la personne te dit quelque chose. Puis tu sais que ce n'est pas vrai. Elle te maintient que c'est ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais tu sais que non. Donc au départ, tu te dis cette personne-là, elle me prend pour un con. Elle n'est pas capable de voir qu'elle me ment, elle ne comprend pas que, tu sais, comment elle, tu sais. Puis au bout de 3-4 ans, tu dis, vas-y, raconte ton truc, de toute façon, je sais que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas me prendre la tête, je m'en fous de ce que tu penses de moi, puis je vais continuer à vivre. C'est un exemple. Sur le terrain, après, tu apprends aussi à, comment dire, tu apprends aussi à analyser le comportement des joueurs par rapport à différents critères spécifiques à la région. Et puis au final, tu te dis, c'est pas forcément moi qui suis incompétent, c'est juste la situation du pays qui est comme ça. Ça fait deux fois justement que tu parles, quand tu as présenté un peu, tu as beaucoup progressé dans l'analyse des joueurs, dans l'analyse des comportements, dans l'analyse des émotions, notamment dans cette expérience. Tu fais référence à quoi? Et est-ce que tu aurais un exemple pour étayer un peu ce que tu avances? Oui, parce que c'est quand tu es en France, tu as malgré tout tu as l'habitude malgré tout d'être dans un cadre très structuré, très encadré. Je te donne un exemple, quand tu commences la saison, le club a fait en sorte que tu aies déjà ton matériel prêt, les ballons, tu vois ce que je veux dire, que tu commences la saison dans un bon état d'esprit, dans un bon cadre. Puis tu as l'habitude à ça, puis toi, tu arrives après dans certaines situations. Premier ou deuxième entraînement, ah ben on n'a pas tous le même équipement, ah ben t'as pas tous le, ah ben j'avais commandé ça comme matériel, ah ouais mais il arrive que dans 3 semaines, donc et si tu t'énerves, ça va changer quoi? Le matériel tu l'auras pas, tu vas t'énerver contre la personne en face de toi qui après va t'en vouloir toute l'année, donc bah c'est ouais j'ai attendu mon tour, ok on n'a pas le matériel, bon bah tant pis je vais faire autrement, et puis tu t'adaptes plutôt que de t'énerver comme tu aurais pu le faire en France ou dans des comment dire. Au niveau, dans notre culture, où tu es plus à dire directement à la personne ce que tu penses, ah là, non, faut prendre sur toi, puis dire, bon, ok, c'est pas grave, je vais m'adapter. Puis D'accord. attendre à que tu sois plus énervé pour aller retourner à la personne et pour lui demander, ah, tu peux m'expliquer pourquoi c'était pas à jour, est-ce que tu sais, ça a été commandé ou autre. Donc, tu vois, c'est pas, t'apprends à ne pas réagir dans l'instant, t'apprends à prendre pendant un jour sur deux. Apprendre sur toi pour apporter une réponse plus intelligente que si tu avais réagi tout de suite et qui t'aurait causé des problèmes. À Singapour, des amis nous disaient si tu peux pas faire d'une personne ton ami, n'en fais pas un ennemi. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien, c'est que voilà, tu peux ne pas aimer une personne, tu peux ne pas l'aimer, mais essaie d'être correct et cordial avec elle pour que ça soit pas quelqu'un qui te détruit dans le futur. C'est arrivé mal la situation. J'aime bien poser cette question avec les voyageurs que je rencontre, et pour moi, tu en es un. En tant que Français, en tant que personne qui a voyagé à Singapour, est-ce qu'il y avait des choses que justement les locaux observaient chez toi qu'ils ont appréciées, qui a fait que justement ton expérience a duré plusieurs années? Donc j'imagine que pour toi, elle a dû être intéressante, galvanisante, l'envie de rester, mais aussi autour de toi, comme tu dis, même si tu ne pouvais pas être perçu comme un local, tu as réussi à te faire accepter. Et justement, comment tu as réussi à te faire accepter et qu'est-ce qu'il y a eu de, tu sais, quelle plus-value tu as pu apporter, comment on t'a observé justement par rapport à ça? Je te dirais qu'à trois points. Le premier, c'est que je me suis tout de suite intégré à la vie locale comme si j'étais un local. Le deuxième, c'est que je ne suis pas quelqu'un, je pense, d'arrogant. Donc, j'étais capable de respecter les gens quand ils venaient me voir et de ne pas les prendre de haut comme beaucoup d'étrangers font à Singapour et de ne pas être donneur de leçons. Et troisième point, c'est que on a eu des résultats. Donc aussi bien quand j'étais dans un staff qu'adjoint, que quand je me suis retrouvé tout seul en coach ou avec des responsabilités, j'ai démontré que j'étais capable d'avoir des résultats et de faire des choses intéressantes dans le développement des jeunes ou dans le staff d'une équipe professionnelle. Donc je dirais que c'est un mélange de savoir-être, c'est un mélange aussi d'avoir démontré un certain savoir-faire. D'accord, c'est très clair. Peut-être la dernière question, encore une fois, je pourrais en poser beaucoup. C'est est-ce que peut-être tu aurais une anecdote bonne ou mauvaise à toi de choisir, une très bonne anecdote que tu aurais vécue justement avec ce groupe professionnel, ou une mauvaise anecdote, et justement pourquoi tu tires cette anecdote, comment tu, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là, de cette anecdote-là, pardon? Une anecdote particulière. Il doit y en avoir beaucoup, j'imagine. Ah, je pense que c'est surtout beaucoup de situations de vie à un instant T que Oui. tu as vécu. Après, comment laisse-moi réfléchir à ça, parce que c'est. C'est pas évident, c'est ouais. Non, je dirais que c'est pas forcément avec un groupe professionnel, mais c'est plus en relation avec l'entraîneur, avec le rôle d'entraîneur que tu expliquais avant, te faire accepter. Où Moi, ma plus grande victoire à Singapour, si je peux appeler ça comme ça, pas d'autre mot, c'est en fait quand je suis rentré dans. Patrick avait été choisi comme. Valé avait été choisi comme coach. Et puis, le staff était complet, donc il ne pouvait pas travailler avec moi. Il avait demandé à ce que je puisse intégrer les jeunes. Parce qu'il voulait que me confier une ou deux tâches par rapport à l'équipe pro en plus. Et puis, le directeur technique qui était du club, qui était des jeunes, Singapourien, m'avait refusé ma candidature. Il voulait travailler avec des jeunes. Et puis, sur différentes histoires, voilà, finalement, j'ai pu intégrer la structure. Donc, au départ, on était quatre coachs. J'étais tout seul dans mon coin, hein, personne qui voulait me parler parce que voilà, le directeur technique avait dit bah, vous parlez pas parce que là, il est étranger, moi, je ne sais pas. Et au final, bah, écoute, le directeur technique et les deux autres coachs, bah, c'est des personnes avec qui, pour les deux autres coachs, je suis toujours en contact. Le directeur technique m'a accepté à la fin, puis il me parlait plus à moi presque à la fin qu'aux deux coachs singapouriens. Et aujourd'hui, bah, ma victoire, c'est que je me dis, regarde, même s'il ne voulait pas de toi au départ, tu as réussi à te faire accepter, tu as réussi à avoir des échanges avec tout le monde. Et encore aujourd'hui, là, je parle encore avec au moins les directeurs techniques un peu moins, mais avec les deux coachs, je leur parle encore régulièrement, Facebook, WhatsApp, tout ça. Donc, ma plus grande victoire, bah, c'est ça, c'est l'anecdote, c'est d'avoir été plus que le malvenu au départ pour au final m'être tranquillement imposé sans force, sans rien forcer, mais juste en étant moi-même, mais être accepté par tout le monde. Oui. Donc, pour moi, j'allais dire qu'en termes d'être humain, je trouve que c'est encore plus important que de gagner un match ou que de gagner quelque chose. Justement, pour rebondir à ça, et ce sera la dernière question par rapport à cette expérience, loin de moi l'idée de vouloir y passer plus de temps. C'est, tu as parlé d'adaptation, d'intégration, de pas prendre les gens de haut. Pour moi, je pense, c'est mon point de vue, hein, je pense qu'il y a la notion de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, qu'elle soit dans tes différentes expériences, que ce soit le voyageur, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le manager ou le directeur d'une académie. Le fait de parler dans une autre langue, le fait de transmettre, de communiquer dans une autre langue, est-ce que ça a fait évoluer ou modifier l'entraîneur, l'homme ? Est-ce que tu as dû, la façon dont tu transmettais le message, le pédagogue que tu étais, est-ce que le fait de transmettre le message dans une autre langue, éventuellement différemment, est-ce que ça a modifié un peu la façon dont tu transmettais ton message ou tu entraînais ou tu formais ? Non, mais par contre, pas cette sensation là, mais par contre ça m'a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus de préparation pour m'assurer que le terme que j'allais utiliser était le bon, la phrase que j'allais faire avait le sens que je voulais lui donner en français. Je parlais tout à l'heure de coopération entre les joueurs, ça m'a aussi forcé à m'ouvrir et à coopérer avec des gens du club qui, eux, parlaient anglais pour leur dire écoute, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là. Puis eux te disent cette phrase-là, en anglais, ça veut dire ça. OK, puis toi, tu compares en français si ça a vraiment le bon sens. Donc, préparation, m'ouvrir aux autres pour avoir de l'aide, alors que je pense que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un de solitaire dans le travail et qui fait confiance souvent qu'à moi-même. Donc voilà, donc j'ai dû aussi m'ouvrir là-dessus. Après, c'est aussi, on parlait de la gestion des émotions. Hein. Quand tu es dans devant un groupe de 18-20 personnes, ce n'est pas ta première langue, tu sais que tu vas faire des fautes. Tu sais que tu vas faire des erreurs de prononciation, des fautes de grammaire. C'est justement gérer ton émotion pour te dire, écoute, ce n'est pas grave. Tu vas faire des erreurs, accepte-le. Mais assure-toi qu'ils ont compris le sens de ton message de manière générale. Tu sais, après, quand tu es devant des ados, tu sais, tu l'as vécu quand on était à OSU. Il y a des fois, il y a des ados intelligents qui écoutent, on a d'autres qui rigolent tranquillement pour se foutre de ta gueule, qui sourire en coin. Donc voilà, après, ça construit aussi quand tu es en tant qu'homme. Tu dis, j'ai fait des erreurs. vocabulaire, grammaire, c'était pas bon, mais ils ont compris le sens de mon message. Voilà, puis après, bah, après, ce que je faisais, c'est que je demandais souvent au coach ou à mon adjoint, de, est-ce que c'était correct ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais pu me prononcer, puis voilà, après, tu vas chercher un peu, t'essaies d'aller chercher l'excellence comme ça. Si j'avais un seul regret, c'est de ne pas avoir appris le langage malais à Singapour. Parce que le chinois, c'est trop compliqué pour moi. J'ai vite arrêté, mais j'aurais dû, sur les 5 ans, apprendre encore plus le malais. Puis, pas juste 2-3 mots, ça m'aurait permis d'encore mieux communiquer avec les gens sur place. Je comprends la démarche. J'ai notamment eu vraiment cette impression en voyageant que peut-être pas la maîtriser parce que ce sera un bien gros mot, mais en tout cas de la comprendre, la langue, de l'appréhender, de comprendre la façon dont elle se structure, dont elle se pense, c'est presque arriver à mieux comprendre les. J'avais l'impression, voilà, qu'une fois que j'avais le compris un peu la structure dans le langage, la construction du langage, peut-être arriver à mieux comprendre les gens, l'interlocuteur avec lequel j'étais. Ben, ça t'apprend aussi à gérer ta peur. Hein. J'ai vécu des choses quand tu fais conférence de presse en anglais, quand tu cherches de traducteur à des Français, des coachs français de la fédération qui viennent former des coachs singapouriens, puis tu te retrouves traducteur. Ben, forcément, déjà, ça t'aide à intégrer le. Parce que tu es le seul relais, donc ça m'a aidé par exemple à m'intégrer au niveau des coachs locaux. Mais après. Faut aussi passer ta peur, tu te dis bah, je vais faire des fautes, c'est pas grave, ça t'apprend aussi sur toi-même, tu gagnes en confiance en toi et tu sais que tu es capable de faire plein de choses après. Ouais. C'est ça que je te disais, que je vis aujourd'hui au Québec, j'ai fait des erreurs, puis j'en fais encore, mais dans la situation, il n'y a pas grand-chose qui me stresse parce que je pense que ce que je peux vivre ici, je l'ai déjà vécu ailleurs, donc j'ai déjà une expérience sur certaines gestions de problèmes. Très bien, Nicolas. On s'approche de la fin, à moins que j'ai oublié quelque chose à mentionner. N'hésite pas si c'est le cas. Pour clôturer, j'ai 3 questions de fin. Évidemment, il n'y a aucune obligation d'y répondre, mais elles sont plutôt personnelles. Et puis, je sais que j'ai eu des retours de personnes qui me disaient oh, c'est intéressant à chaque fois de chaque intervenant. On apprend des choses différentes parce que, bah, pour le coup, on a quand même la plupart d'entre nous des parcours un petit peu différents. La première, c'est tu l'as un peu mentionné, c'est un peu comme ça que j'ai attaqué notre épisode, c'est comment tu continues de te former, comment tu continues d'apprendre, comment tu est-ce que il y a peut-être pas une méthode, mais comment tu continues chaque jour de vouloir progresser. J'essaie de quand j'ai des questions, il y a 2-3 personnes en France que j'essaie de contacter pour justement avoir de l'information sur certains thèmes, avoir de l'information sur regarde j'ai lu ça, est-ce que tu peux m'aider un peu parce que bah comme je te disais c'est assez limité ici, donc ça c'est la première chose, l'échange avec 2-3 personnes que j'ai gardées comme contact en France. Après j'essaye de lire, alors j'ai plus le temps honnêtement pour lire des livres de 200 pages, c'est trop long pour moi. Donc, je trouve l'essentiel rapidement. Donc, du coup, je me suis mis à beaucoup aller sur YouTube, je me suis mis à beaucoup aller sur Google, à rechercher des méthodologies d'entraînement, de l'information sur différentes façons d'entraîner. Je lis beaucoup sur des choses aussi que les coachs peuvent dire. C'est pas sur la façon de jouer, c'est dans le management. Si je lis des livres, c'est sur le management. J'ai trouvé aussi sur... YouTube, tu as beaucoup de coachs personnels qui se vendent avec des petites capsules vidéo de 2-3 minutes et qui font passer des messages super intéressants. Donc, j'essaie de prendre ce que je peux prendre pour mon quotidien à moi, pour mon management à moi. Puis après, moi, je trouve que si tu prends les réseaux sociaux de côté positif, notamment Twitter, avec la pandémie, tu as beaucoup de choses sur le contenu d'entraînement, la méthodologie et le partage qui a été mis en place. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui, depuis un an, depuis le début de la pandémie, j'ai retrouvé le temps de me former. Donc voilà, j'essaye de chercher beaucoup d'informations de partout. Et le plus important, ce n'est pas de trouver l'information, parce que ça, je pense que ce n'est pas trop dur, c'est comment comment tu l'analyses et comment tu peux l'intégrer dans ton quotidien à toi. Voilà, c'est pour moi, c'est ça le plus compliqué après, parce que trouver de l'information sur comment joue Guardiola, Klopp, aujourd'hui, c'est vraiment pas dur. Oui. Trouver des méthodologies d'entraînement partagées, c'est Lorient ou Lyon ou autre, c'est pas forcément trop compliqué non plus aujourd'hui avec tous les entretiens, les documents. Mais c'est par contre comment tu fais ta sauce à toi pour tes joueurs à toi, et puis pour ton club à toi, puis ta structure où tu es à toi. Ouais, pour la réadapter. Si je me forme moi, c'est aussi pour redonner à mes joueurs et à mes coachs, pas uniquement pour tout garder. Donc, c'est comment tu t'adaptes après avec toutes les infos reçues à ta structure. C'est très clair. Justement, en parlant de coach et d'entraîneur, etc., tu m'as donné l'impression qu'il y a eu des bonnes rencontres sur ton parcours, des personnes qui t'ont un peu permis de mettre la pied à l'étrier ou parfois de te faire progresser en version accélérée. J'ai parfois posé la question et puis les personnes m'ont dit il y en a eu tellement que j'ose même pas notifier une personne. Mais s'il y a eu un, deux ou plusieurs mentors, est-ce qu'il y en a eu déjà, et si oui, quels impacts ils ont pu avoir sur ton parcours? Je te dirais que alors avant d'arriver à Singapour, voilà, je pense qu'il y a des personnes avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. Pierre Sage, qui est aujourd'hui à Lyon, Julien Sokol aussi, quand il était entraîneur au niveau du Rhône sur le CTF ou CTA, je ne sais plus comment ça s'appelle, excuse-moi, j'ai oublié les termes. Voilà, et puis plein d'autres collègues comme ça, où je prenais plaisir à échanger. Et pour après, comme je te disais, prendre des idées, prendre des informations, aussi tout ce qui était formation d'entraîneur que je faisais avec le district, c'était des grosses sources d'apprentissage à chaque fois pour moi. Je n'avais pas de mentor, mais quand je voyais des jeunes coachs, quand on travaillait avec l'équipe technique sur les stages, c'était super intéressant d'avoir des retours sur les expériences de chacun. Donc, ouais, c'est ça. Après, Singapour, je pense que Patrick Vallée, d'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact, m'a permis de me former un peu plus au haut niveau, de comprendre des choses. Donc, c'est sûr que je suis toujours en contact avec lui. Puis que quand tu gagnes aussi, ça crée des liens un petit peu plus particuliers, parce que ça veut dire que tu as bien fonctionné ensemble, on a été performants ensemble. Donc voilà. Je renie personne, hein, je discute avec tout le monde et je suis ouvert à tout le monde parce que je trouve que tu as toujours quelque chose à apprendre et que si je peux aider des gens sur certains points, j'en serais heureux, comme il y en a qui m'ont aidé quand j'ai commencé. En témoigne cet épisode, et je t'en remercie d'avance, aussi bien pour moi que pour ceux que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup. J'ai la dernière question, et celle-là, c'est c'est la question de 2021, pardon. C'est-à-dire que le podcast, ça fait plus d'un an et demi qu'il a commencé. Et au fil du temps, je commence à avoir d'autres questions, d'autres réflexions. Et les échanges aussi prennent peut-être d'autres tournures en fonction du temps et puis de l'évolution aussi, des retours qu'on me fait sur le contenu. Elle est peut-être difficile ou peut-être qu'elle n'est pas pertinente, mais je la pose quand même. Comment toi tu vois éventuellement le football de demain? Est-ce que tu le vois autrement? Si oui, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu l'imagines? Ou peut-être comme ça, peut-être que je peux pas balancer la question comme ça, c'est comment tu imagines toi le football de demain? Moi je le vois inévitablement sur le modèle nord-américain avec des championnats à différents niveaux, un peu fermés, pour que les investisseurs qui mettent de l'argent s'y retrouvent et puissent assurer la pérennité de notre sport. Après, est-ce que ça sera sur des ligues fermées ou sur des ligues quasi fermées, j'en sais rien, mais moi, je le vois bien évoluer sur ce domaine-là. J'ai un petit peu peur aussi que la notion de data et d'analyse de données prennent le pas sur le ressenti et puis sur un petit peu le nez que peut avoir certains entraîneurs pour faire une équipe ou des choses comme ça. J'ai un peu peur que ça soit trop pollué par ça. Après, en termes de jeu, sincèrement, j'en ai pas vraiment d'idée. tu auras toujours un ou deux entraîneurs qui viennent en révolutionner le foot, comme il y en a qui l'ont fait, soit au niveau de l'Ajax, de Barcelone ou peut-être de Klopp. Voilà, tu as toujours des gens qui viennent en révolutionner, faire des choses qu'on ne s'attend pas. Mais moi, je le vois a priori comme ça, avec un championnat, avec des pratiques à plusieurs vitesses. Parfait. Je te remercie, je ne veux pas insister par rapport au temps, ça fait déjà un petit moment qu'on discute, c'était extrêmement intéressant pour moi, une fois de plus j'aurais pu rebondir plein de fois, hein, mais après ça ne s'éternise plus. Merci beaucoup Nicolas pour ton intervention et d'avoir répondu à des questions aux questions que j'avais et puis éventuellement que d'autres personnes avaient. Si jamais tu as quelque chose que j'ai oublié de mentionner ou un petit mot de la fin, bah, je t'en prie, n'hésite pas. Ah ben, merci à toi de m'avoir invité et d'avoir pris le temps de partager. Ouais, j'espère avoir pu donner des idées à certains sur ce que c'est de voyager à l'étranger, le fait que ça ne soit pas facile et qu'il faut sans cesse se battre pour réussir. Ah, puis après, ben, s'il y en a qui veulent plus d'informations, libre à eux de me contacter à travers toi ou directement, je suis ouvert, je n'ai pas de problème. 2 heures de football, 2 heures de voyage, 2 heures de partage. J'ai été ravi d'avoir eu cet échange avec Nicolas Possetti. Merci beaucoup à lui pour son temps, d'avoir accepté de répondre à mes questions, en espérant que cela a pu être du contenu intéressant pour vous. J'ai vraiment l'impression de progresser, notamment grâce aux quelques échanges que j'ai pu avoir ici et là avec des amis et d'autres personnes qui me font des retours, aussi constructifs qu'ils puissent l'être, que ce soit par WhatsApp, par Instagram, par Twitter ou via Apple Podcast en laissant des commentaires. En tout cas, l'aventure ne fait que commencer. Dans 3 jours, ça fera 1 an que le premier épisode a été partagé. J'ai vraiment l'impression que l'aventure ne fait que commencer. Un plaisir pour moi de vous dire que l'épisode prochain a déjà été enregistré. Il est en plein montage. Ça va être un nouveau voyage, une nouvelle histoire à raconter. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.